Salut tout le monde, c'est Saï, bienvenue à la 46e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et rendez-vous compte, c'est une date exceptionnelle cette semaine, on fête les 4 ans du PSVR. Et en plus de ça, on fête les 2 ans du podcast. Et pour cette occasion complètement incroyable, on n'a absolument rien préparé. Et pour m'aider à rien préparer, j'accueille Laurent. Salut Laurent. Salut Sei. Ça va? Je te préviens, j'ai rien préparé en fait. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien, il n'y a pas de cotillon. Rien. Une organisation de branque en fait, comme d'habitude. Quoi. C'est bien, on ne change pas une équipe qui gagne. On a juste assez de souffle pour souffler les 4 bougies du PSVR. C'est ça. Et les deux bougies du podcast. Voilà. Donc, bon anniversaire à toi, parce que tu faisais partie des toutes premières, toi. Ah non, t'avais commencé, je crois, à la 3e ou 4e, non ? Sur le podcast ? Ouais. Alors, je m'en souviens plus. On alternait pas mal, donc je sais plus quand c'est que j'ai attaqué. Peut-être pas sur la première, je sais plus. Bon, et faudra écouter. Et aussi, il y a Sir Majo qui est avec nous. Salut Majo. Salut. Joyeux anniversaire, les gars. Bah ouais, merci. Ça fait tout drôle hein, de se dire que ça fait déjà 2 ans qu'on raconte des conneries sur Internet, c'est bien. Hein. Bah ouais, comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche, écoute. Il faut persévérer dans la connerie. Comme on n'a pas vraiment anticipé, on n'a rien préparé pour l'occasion, je pense que ça peut être sympa de se remémorer un petit peu nos premières fois sur le PSVR. Toi par exemple, Majo, t'as commencé sur quoi toi avec le PSVR ? J'ai cherché une connerie, mais je me suis dit non, je vais rester sérieux quand même. C'était The London Heist chez Micromania. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le casque. Et le premier vrai jeu que j'ai aimé, c'est Riggs. Ah, le jeu multi avec les espèces de ouais, méca, de sport, une espèce de sport, en méca, ouais, tout à fait. Ouais, il était pas mal celui-là. Non, c'était cool, c'était très très motion sicknessisant. Oui. Au départ, j'avoue. Mais bon, franchement, c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon test dans ma preview pardon sur Squadron. Avec ce genre de jeu là, il faudrait que je le réessaye Riggs maintenant. Ça me fait plus rien du tout hein. Enfin Squadron, j'ai aucun problème. Hein. On alors que tu vois Riggs au début, j'étais pas bien, je jouais une demi-heure, il fallait que je m'arrête. Ça vient vite. Mais Riggs, en plus, t'avais le poids des mechas qui était assez, assez saisissante. Et puis quand tu retombais au sol, tu te sentais vraiment. Il y a un petit système de suspension. Tombé, c'était cool. Ce jeu était cool. Il était pas mal. Et toi, Laurent ? Ma toute première fois. J'étais parti à la Fnac à Montpellier. Et j'avais essayé un Samsung Gear. Qui était complètement naze, c'était flou à souhait, bien que ce soit flou, je m'étais dit putain, c'est quand même pas mal ce techno. Et en fait, j'ai jamais essayé le PSVR, je l'ai précommandé direct suite à ça. D'accord. Je pense que la toute première expérience que j'ai lancée, à mon avis, c'était Ocean Descent avec le requin. Ouais. De VR World, ouais, je crois que c'était ça. Et là, j'ai été scotché. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, la claque, quoi. C'est à partir de là que tout a commencé, quoi. C'est vrai que The Descent, c'est vraiment le jeu à faire, enfin, l'expérience plutôt à faire essayer à ceux qui connaissent absolument pas la VR. Moi, je sais que mes parents, mes beaux-parents, je leur ai fait essayer ça. Les gens qui ont pas l'habitude, t'as rien à faire, t'as juste à observer et puis à contempler, quoi. Tu contemples et puis c'est chouette, quoi, c'est bien fait. Tu te croirais un petit peu dans une attraction de parc d'attractions un peu. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ma première fois, justement, à propos de parc d'attractions, c'était Rush of Blood. Moi, j'avais juste essayé la VR chez un pote sur le HTC Vive. Et du coup, j'ai pris directement le PSVR. Et puis Rush of Blood, quoi, voilà, c'est le parc d'attractions de l'horreur avec du tir, de l'arcade. Ouais, il était cool ce jeu. Ouais, il était bien. Il est toujours aussi cool, hein. Des sensations. Ah, quand les cochons se mettent à bouger, putain, les bombes. Ouais, ça c'est l'orgie, ça. Ouais, et puis le fait de le petit train fantôme, les sensations que t'as, même quand ça commence à partir un petit peu plus rapidement dans les descentes. Même la sensation de vitesse est bonne quand t'as des descentes. Ouais. C'est vrai. C'est aussi un bon jeu de montagne russe, en fait. C'est ça, et c'est ça, c'est un mélange de pas mal de choses, et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu une suite ou des émules de ce type de gameplay, parce que ça fonctionne bien en plus. Il n'y a pas de motion sickness, c'est juste des sensations et des bonnes sensations. Donc, bah si, t'as eu Darkness Roller Coaster V2 qui avait fait... Ouais. Parce que le premier c'était juste un jeu de montagne russe, dans la deuxième version ils avaient fait pareil, une espèce de jeu de shoot, mais bon, très anecdotique quoi. Mmh. Mais Rush of Blood excellait par contre effectivement dans ce domaine-là, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Ils ont, ils ont tout misé après sur Bravo Team et The Impatient. Et ça a pas été. Donc The Impatient, ça a été la déception. The Bravo Team, c'est pareil, bah, c'est mitigé. Il y en a qui disaient que c'était quand même bien malgré les cutscenes, les sorties de corps et tout ça. Bah, les deux étaient pas moches, mais ils étaient. C'était pas des super jeux. Quoi. C'était pas ouais, toi sur ton test, c'est toi qui l'avais testé, ça y est. Ouais. Non, c'était pas Cyril. C'est Cyril qui avait fait Bravo Team. Moi, j'avais fait The Impatient, je crois. Ouais, si je me rappelle bien. Mais les deux sont jolis en plus, hein, mais on sent que voilà, les moyens n'ont pas été mis au bon endroit. Quoi. Ça a été pas, enfin, le gameplay dans ces deux jeux avait été un petit peu laissé de côté, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'était un studio qui était vraiment prometteur. Hein. C'est un jeu de début de gen, hein, de début de VR, c'est toujours pareil. Mmh. Ouais. Il est sorti il y a quoi, il y a 2 ans quoi. Au moins. Plus que ça même. Hein. Oui, je dirais même 3, facile. Ah ouais, facile que 3. Ça veut dire la première année. Non, 3, je pense pas, ça fait beaucoup. Okay. Non, bon, bah d'accord. Okay, si tu le dis. Bon, bah écoutez, évidemment, laissez-moi le temps, je vais vérifier, les gars. Bah, si, j'y vais. Bon, en attendant, à propos de sensations fortes, on va revenir un petit peu sur Star Wars Squadrons. Parce qu'on a enfin tous pu mettre la main dessus pendant ces 2 dernières semaines. Et se faire un petit peu la main et se prendre pour des agents de l'Empire ou des rebelles. Et donc on va revenir un petit peu dessus pour dire les impressions, nos impressions un peu plus éclairées sur ce titre. Laurent, toi t'avais fait le test du coup, donc t'as pu le voir un petit peu en loin, en large et en travers. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement ? Eh ben perso, pour moi c'est un des meilleurs jeux du catalogue, tout simplement. On avait mis 9,5 sur 10 à Astrobot et on a remis la même note à Squadron. Alors... c'est sûr que quand tu mets un 9,5 à un jeu, bah, t'as tous les commentaires qui arrivent derrière. Mais n'importe quoi, c'est flou, c'est gnagna, c'est gnani. Mais bon, au final, faut pas oublier qu'on est sur PSVR, que c'est un casque qui a 4 ans. Et que par rapport à tout ce qu'on a dans le catalogue, c'est un des jeux les plus complets qu'on ait, à mon avis. Du fait déjà qu'il y ait au moins, on va dire, une dizaine d'heures solo. En plus, derrière, tu peux le refaire parce qu'il faut récupérer les trophées, récupérer les médailles. Derrière, t'as un vrai jeu en multi qui est sévère, hein, parce que là, j'ai essayé, je me suis fait dégommer. C'est les autres qui sont sévères, en fait. Voilà, je me suis fait méchant. Faut aimer se prendre des fessées, quoi. C'est ça. Ouais, je suis pas d'accord. C'est jouable. Donc derrière, en fait, c'est un jeu qui est plus que complet et qui peut proposer pour quelqu'un qui aime le jeu en multi des centaines d'heures de jeu, un peu comme c'était le cas pour Battlefront et Battlefront 2. Quoi. Centaines d'heures avec le contenu qu'il y a ? Parce que on va dire que c'est un jeu à 40€, mais est-ce que tu penses franchement que tu peux tenir une centaine d'heures Fais le compte du nombre d'heures que tu as joué. Bah disons qu'à partir du moment où déjà tu fais ta campagne solo, allez on va dire on arrondit, on va dire 10 heures, il y en a qui la finiront en 8 heures, il y en a qui la finiront en 12. Tu finis ta campagne solo, après tu vas te dire bon bah là j'étais en mode pilote, je vais essayer un niveau un peu au dessus, je vais essayer de récupérer toutes les médailles, et les médailles il y en a, elles sont vraiment pas faciles à avoir. Et les médailles, pour les avoir, c'est des objectifs secondaires à faire, ou c'est des défis. Donc ils te disent... Ouais, mais c'est des défis, par exemple, aider le plus possible tes coéquipiers, te prendre le moins de dégâts possible. Finir la mission dans le temps imparti. Voilà, c'est ça. Finir la mission en 15 minutes, mourir que 3 fois minimum dans tout le truc, enfin que des machins comme ça. Ouais, c'est tendu, quoi. Donc déjà, tu fais tout ça, à mon avis, t'es déjà on va dire 25 heures. Et puis le multi, Battlefront 1 qui n'avait pas du tout de scénario et de campagne solo, Battlefront, moi j'ai déjà passé plus de 100 heures sur Battlefront sans problème, hein, à m'amuser, à plomber, c'est du Fortnite, quoi. Donc ceux qui aiment ça, derrière, ils sont capables de tous les soirs de se faire des parties, et puis ça s'arrête jamais, en fait. C'est sûr que ceux qui n'aiment pas trop le multi, il faut qu'ils partent plus dans l'idée que c'est un jeu de 10 heures avec les bonus en plus, ça leur tiendra peut-être 20 heures. Même le multi, il est entre guillemets scénarisé, parce que tu as ce mode mode mince, bataille de flotte, où c'est quand même une mission, mais en multi, quoi. C'est une mission où t'as deux escouades de 5 qui doivent défendre mince, leur vaisseau et tuer suffisamment d'ennemis pour pouvoir gagner le moral, plus de moral sur l'équipe adverse. Ça reste quand même du multi-scénarisé, si tu veux. C'est pas juste... je prends l'exemple de Firewall, qui est un jeu essentiellement multi, t'as qu'un seul mode de jeu, et pourtant ce jeu il tourne encore à profusion, quoi. Ouais. Là tu vois, on a quand même un multijoueur qui est plus complet encore que ça, donc je vois pas pourquoi, dans un univers qui est en plus ultra iconique, je vois pas pourquoi ça durerait moins longtemps qu'un Firewall, tu vois ce que je veux dire. Et une petite question, vous l'avez essayé vous en plat ou pas? Non. Non. Non. Ah, je suis d'accord. Non mais je me suis franchement fait violence. Je me suis un petit peu fait violence pour l'essayer, hein, en plat. Non, puis moi j'ai Battlefront 1, Battlefront 2 à la maison. Même pas, je vais essayer Squadron en plat. Quoi. Pour dire, hein, donc voilà, en VR, hein, tu es dedans, on le sait, l'immersion de fou. Alors c'est peut-être un petit peu plus flou que en plat. Ça a été patché. C'est beaucoup moins flou depuis la 1.03, je crois que c'est, ou 1.03. Sur PlayStation, il est vachement plus net, il a été amélioré. Ouais. D'accord. Bon bah en plus voilà, mais en fait voilà, même quand tu es dans le hublot en fait du T-Fighter, et ben tu vois quand même ce qui se passe, l'action, etc. J'ai tenu 10 minutes en plat. Parce que je comprends du coup maintenant les gens qui gueulent sur des forums ou sur Steam ou même sur JVC sur les notes de ce jeu-là. Et sur le manque de lisibilité en plat, je peux te dire qu'effectivement, le T-Fighter, tu vois rien, t'as un espèce de hublot où tu vois donc l'action qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui est autour, ça te prend 30% de ton écran, quoi. C'est vraiment illisible. Et je comprends pas, t'as un petit bouton justement où tu peux bouger la tête, ce que tu peux faire justement naturellement en VR pour essayer d'appréhender un petit peu mieux l'action. Mais en plat, c'est super compliqué. L'action, elle se passe loin. Les petits détails, les petits vaisseaux au loin, tu les vois absolument pas. C'est super brouillon. Tu peux pas jouer à la troisième personne en plat? Tu peux pas, non. Ah bon? Alors, moins que c'était patché. Non, c'est vrai. Normalement, tu peux pas. C'est vrai. Ah bon. Ah oui, peut-être que ça se mode sur PC. Et encore, je suis même pas certain parce que ça a l'air vachement verrouillé de ce côté-là. Mais non, il me semble pas que t'es la troisième personne. Et du coup, en plat, je comprends la frustration. Non, mais je te dis des bêtises, oui. C'est les killcam qui sont à la troisième personne, pardon. Ouais, ou quand tu te fais tuer. Ou quand tu te fais tuer. Ce qui arrive souvent. Voilà. Et ouais, les distances, t'arrives pas à les appréhender. Quand vraiment tu commences en VR, après, essayer en plat, c'est juste pas possible. C'est comme si tu commençais à jouer à Wipeout en VR et que tu... recommencer ensuite en plat, tu n'as pas du tout la même appréhension du jeu, des distances, de la vitesse, de l'action qui se passe, ça n'a rien à voir. Et de l'immersion, voilà, le jeu est vraiment transcendé par la réalité virtuelle. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de dire on ne l'a pas essayé, c'est qu'en fait, moi, ça ne m'est même pas venu à l'idée. Non, moi non plus. C'était à aucun moment, c'était je même pas concevable. Il faudrait peut-être que je l'essaye en plat pour voir ce que ça donne. Je voulais savoir. À aucun moment, je me suis posé la question. Je voulais vraiment comprendre pourquoi il y avait des réactions si négatives par les joueurs place sur ce jeu-là. Et oui, effectivement, je les comprends, quoi. Moi, j'attendais la suite de mon expérience X-Wing VR Mission. Donc, c'est pareil. Squadron, c'était clair que je voulais être dans le vaisseau. Bah là, c'est sublimé. Hein. Voilà. Ça m'a même pas effleuré l'esprit de le lancer en plat, quoi. Puis je pense que je ne l'essaierai jamais en plat. Ah pour. Par curiosité, en fait. Je pense que maintenant je vais le faire, mais ouais non. Après effectivement, comme tu dis, peut-être je comprendrais mieux moi aussi pourquoi ça râle sur la version plate. Ah, je te dis, essaye le T-Fighter, tu vas tout de suite comprendre, hein. Vraiment. Il y a juste un petit truc que je lui reproche moi à ce Squadrons, c'est enfin deux choses. C'est le fait qu'il n'y ait pas de bataille au sol, comme la bataille de Hoth ou même l'attaque de l'étoile de la mort, même si ça se passe après, du coup, ça se passe avant ou après d'ailleurs, je sais même plus si c'est après. C'est après le retour du Jedi. C'est après le dernier épisode. Ouais. C'est normal, mais tu vois qu'il n'y ait pas des batailles au sol où tu puisses vraiment avoir un repère par rapport au sol. Attaquer peut-être des factions terrestres, au moins sur le mode solo, parce que je pense que sur le multi ça aurait pas vraiment de sens, mais au moins sur le solo, qu'il y ait des choses un petit peu scénarisées. Alors, pour reproduire. Alors ça je pense, par contre, c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait. Ah pourquoi? Parce que pourquoi parce que ça, on aurait eu le syndrome Drive Club où forcément, si c'est sur une planète, tu as besoin de beaucoup plus d'affichage. Parce que tu as les collines, tu as le canyon, tu as des arrière-plans. Et ça aurait pu être dans le PSVR, ça aurait pu être facilement de la bouillie de pixels. Ouais, tu veux dire techniquement, ils ont été empêchés techniquement. Mais je trouve ça dommage quand même. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait pu apporter. Bah, comme il dit sur le mode solo, peut-être que ça aurait été envisageable parce que tu as quand même la première mission, la tuto. Alors, je sais pas si ça revient plus tard dans le gameplay, mais quand tu suis là le capitaine Javes, oui. Où tu as tous les trucs marchands dessus. Quand tu le poursuis, j'étais dans l'espèce de le couloir, le boyau, là. Voilà. Ouais. Et tu as donc les décors qui te tombent dessus, t'as des éruptions de flammes, d'explosions et tout ça qu'il faut que t'esquives parce que sinon ton vaisseau il chauffe, tu vois. Tout ça là pour l'instant de ce que j'ai vu, on le revoit pas dans le gameplay. Ce qui est dommage parce que franchement, je trouvais ça cool. Sans spoiler, ça revient extrêmement peu. Oui. Mais c'est dommage, pour le coup. C'est dommage. C'est dommage parce que justement, d'avoir un décor tangible. Ouais, dans la version solo, je pense que c'était jouable. Puisqu'ils l'ont. Un décor tangible. Voilà. Voilà. Autour de toi, qui te rend tout petit, en fait. Tu puisses te rendre compte un petit peu de l'immensité des bases qui t'entourent. Ça aurait pu être pas mal. Et c'est justement le truc que je reproche. Ça m'a pas frappé, moi, ça. Parce que même sur différentes bases, tu peux même t'introduire dans les bases. Enfin, je trouve que c'est vachement bien, quand même. Ouais, mais peu. Sans spoiler, Laurent. Peu. Ouais, moi je te dis, après, voilà, moi j'en suis à la mission 6. Pour l'instant, j'ai pas revu ça dans le gameplay, quoi. Alors s'il faut attendre même, la 10 pour le revoir, c'est peut-être un peu loin, tu vois ce que je veux dire. Même les. Non, mais je trouvais que c'était disponible. Il y a certaines bases où tu as des espèces de couloirs un peu comme l'étoile de la mort. Et tu peux te faufiler avec ton vaisseau dans le couloir carrément, et tu te retrouves un peu dans la même situation que Luke quand il va attaquer. Ou t'en as une qui est circulaire, et c'est pareil, il y a un liseré autour, et ça fait comme un chapeau en fait. Et quand tu peux te faufiler dessous, et tu te retrouves dans un truc à tourner en rond parce qu'elle est circulaire, mais t'es dans un couloir aussi. Et puis, sans spoiler donc, Laurent. Ouais. T'as du mal, hein. T'as vraiment mais du non, mal. Mais non, hein. Mais comment tu veux parler d'un truc sans. Là, tout le monde l'a déjà fini. Mais non, il est à la mission 6, Majo, moi je suis à la mission 13 ou un truc comme ça. Donc non, pas encore. Et puis, de toute façon, je me suis bouché les oreilles, j'ai absolument rien écouté de ce qu'il vient de dire. Les astéroïdes, il faut se balader autour aussi, parce qu'il y a plein de. Il y en a, ils sont très gros et tu as l'impression d'être sur une planète. Et tu vois, un autre truc que je reproche, c'est le petit côté waouh. Alors, ok, il est très efficace, ok, les scènes d'action et de dogfight, elles sont super. Mais il manque le petit côté fête foraine qui était vraiment sympa, par exemple dans Eve Valkyrie. Ouais. Rien qu'au tout début, on a tous essayé la démo de Eve Valkyrie. Le démarrage, voilà. C'est juste le truc au début de mission. Pas le foutre à chaque fois, mais de temps en temps. Ah oui, hein, putain, c'est vrai, je me rappelle. Sortir du hangar. Ah oui. Sortir du hangar d'un croiseur interstellaire. Ah oui, ça m'a marqué pendant un moment. De ton T-Fighter, je trouve ça dommage que tu vois, t'es. T'es le truc en 2D en face de toi, de l'extérieur. Oui, mais alors déjà, quand tu vois qu'il y a certains joueurs qui critiquent Squadron parce qu'ils n'ont pas respecté la taille des corvettes. Oui. Non, mais d'accord. Si tu leur balances du Galactica dans Star Wars, je pense qu'il va y avoir des meurtres. Du Galactica? La rampe de lancement de Galactica de Eve Valkyrie. Non, mais même pas ça, c'est juste sortir du croiseur, tu vois, avoir un truc immersif du décollage, en fait, tu vois, rien que un petit truc qui te scotche à ton siège. Ça manque, ça, je trouve. Tu l'as au début, dans le tuto. Au début, quand tu départs avec le TIE Fighter, ouais. Ouais. Ouais, mais juste une fois, et ça aurait été sympa qu'ils le mettent un peu plus, avec plusieurs vaisseaux, histoire qu'on puisse en profiter un petit peu différemment. Rien que ce petit côté, toi, un petit peu boost, un petit peu, voilà, c'est parti pour la mission, t'y vas, tu te prépares, et boum, toi, tu pars dans l'action. Ouais. Je trouve que ça manque un petit peu, peut-être aussi parce que le jeu a le cul un petit peu entre deux chaises, entre la version plate et la version VR. Ce qui est une bonne chose pour que tout le monde puisse en profiter, mais qui justement donne des petites limitations après pour les développeurs dans ces effets de mise en scène, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. La VR justement, c'est fait pour avoir des sensations. Là, il y avait vraiment moyen, quoi, pouvoir sortir de la base rebelle à la manette de ton X-Wing, ça aurait pu être cool, quoi. C'est genre après des défauts, il en a d'autres. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Ah ben, ouais, mais je trouve un petit truc qui manque. Je trouve c'est dommage. Oui, il y a plein. Et c'est loin d'être le pire. Comme le quoi, le fait que ce soit flou, enfin comme tu disais, après bon, ça Ça a performé depuis la mage, mais bon, c'était plus ça qui était problématique pour la majorité des gens. Le contenu quand même de ce que tu peux débloquer en skin et tout ça, tu vois que c'est gratuit. Ouais. C'est pareil, c'est pas spécialement. Non, mais je veux dire, tu vois que c'est gratuit dans le sens où c'est pas spécialement très différencié, très recherché. Ouais. Tu vois, c'est ça va pas être, fou, ça va être souvent les mêmes casques qui vont avoir juste des peintures t'as trois différentes. Textures, un autocollant. Voilà, Ouais. même c'est ça. C'est pas. Après, ce qui est sympa, par contre, c'est la personnalisation du cockpit. Ça, je trouve ça rigolo. Ouais, c'est pareil. Et puis, bah voilà, les deux modes de jeu, comme on disait, ils ont annoncé qu'ils feraient pas de mise à jour, apparemment. C'était la dernière, la 1.04 serait la dernière. Voilà, puis après, non, y a, enfin, pour moi, l'aspect que tu disais, c'est pas le pire, quoi. Il est C'est un pas. manque, hein. C'est pas un défaut. Je vois pas ça comme un défaut, mais plus comme un manque et un truc un petit peu dommage vis-à-vis de ceux qui jouent en Ouais. VR. Les explosions de vaisseaux, j'avais oublié. Ça, par Eh ben, contre, pas de problème, ça, par pas de problème sur contre, PC là-dessus, hein. elles sont moins belles quand même que sur l'expérience X-Wing, les explosions. Oui. Ouais, parce que t'as, pour le test, t'avais refait J'ai re, le je, j'ai comparatif re, j'ai, justement. j'ai, j'avais refait toute l'expérience, et c'est vrai que les explosions, elles pètent bien quoi sur X-Wing. Là, c'est étonnant qu'ils aient fait des pétards mouillés quoi. Ouais, c'est ça. Attention, le vaisseau va exploser. Bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient aussi, hein. C'est ça. Mais C'est vrai que sur bon, PC, ça c'est un peu mieux quand même. moi j'adorais, on parlait tout à l'heure des premiers jeux, donc il y avait Ocean Descent, et puis j'avais vraiment attaqué avec F. Valkyrie justement. Et celui-là, je l'avais adoré parce que j'adore tout cet univers dans les vaisseaux combat galactique. Et c'est vrai que je me suis mieux éclaté sur Squadron que sur F. Valkyrie encore. Ah, puis Oui. Valkyrie, il était quoi? C'était un des premiers jeux, c'était Ouais. vraiment un jeu de début Bah, il y avait presque que du solo, de il PSVR. était joli quand même, hein, mais Ah non, c'était plus Non, c'était multi plus du d'ailleurs. multi, Oui, Valkyrie. Il c'était y du avait une multi, petite je me campagne trompe. solo quand même, mais c'était essentiellement du multi. C'était du multi, ouais. Mais qui se torchait en 2 heures, je crois, à peu Ouais. près, un truc comme ça. Ouais, c'était un gros tuto, hein, le solo. Ouais, C'était rien de c'est ça. plus, je crois. Ah Mais il oui. rendait quand même beaucoup plus malade que Squadron, ça. Oui, Je sais complètement. pas. Il fallait bien Est-ce qu'on s'accrocher. n'a pas été guéri, nous, depuis, à force de faire de la VR? Je sais pas. Faudrait que je le relance. Si, Faudrait que mais je le relance, effectivement. c'est ce que je disais, c'est pour ça que je voudrais réessayer Riggs aussi, parce que je sais que ce jeu me faisait beaucoup d'effets, et je pense qu'il y aura une différence. Faudrait refaire Scavenger Odyssey aussi. Oh oui, Celui-là, j'aurais. je l'ai jamais fait celui-là. celui-là, il tournait bien la tête au début. Oh, il était bien hardcore Ouais. aussi, ouais. Mais il était sympa d'ailleurs. Oui, il était Il bien. se terminait facilement, mais il était Il était plutôt très sympa. joli et c'était une expérience, mais c'est vrai qu'il tordait les boyaux au début. Des petits sauts de carlingue en Ouais. carlingue, je m'en souviens encore. Non, mais c'est C'était. vraiment, moi je trouve intéressant là-dedans, c'est que voilà, ça prouve que le motion sickness, ça passe avec le temps, quoi. Ah oui, C'est carrément. Ouais. surtout ça qu'il faut retenir, et que les gens qui sont sceptiques à ce sujet-là au niveau de la VR, il faut qu'ils imprègnent. Et que Bah, nous il aussi, faut. on était dérangés au début, et puis maintenant, voilà, à force de jouer, enfin, je veux dire, on enchaîne des sessions de 5 heures, on n'a pas de problème, nous. Ah ben Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Maintenant, il n'y a plus aucun jeu d'ailleurs qui me fait cet effet-là, quoi. Ouais, c'est vrai, hein, Ouais. les options de vignettes, tout ça, moi, j'y passe même pas. Là, je Enfin, les si, vire pour. direct. Pareil, Ouais, c'est ça, ouais. je désactive d'office, je désactive tout. Et puis après, c'est parti, quoi. Mais il y en a de temps en temps qui posent des questions. Il y avait une jeune fille la dernière fois sur Twitter, je crois, qui disait justement qu'elle venait d'acheter le PSVR, elle a attaqué direct avec Scavenger. Ah oui, Scavenger sur Odyssey. Twitter, je crois que je l'ai vu, ouais. Et je lui avais dit sur Twitter, je lui avais dit, mais il faut pas attaquer par ça, tu attaques par un truc cool. Et c'est vrai que Ah ouais, ok, Wipeout. si on a un conseil, si on avait un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui ont, parce que bon, entre parenthèses, le PSVR va être sacrément bradé, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais avec la caméra et VR World, je crois qu'il tombe à 199 euros. D'accord, ouais. Et donc À on partir va de quand? novembre. Ah putain, non, j'avais pas eu. Oh, Pour Noël, magnifique. quoi. Donc, Oh alors là, joli. y a peut-être des joueurs qui vont être intéressés. Et justement, ces joueurs-là, s'ils nous écoutent, justement, parce qu'ils ont en objectif de se prendre un casque, Ouais, allez-y doucement. c'est de commencer par des jeux simples où c'est qu'il n'y a pas trop de déplacements. Des jeux tout bêtes comme Static, il porte bien son nom, bah, n'empêche que c'est super cool et c'est y a pas de des jeux comme ça, on en a plein. Tous les petits jeux, The Curious Tale of the Stolen Pets, il est génial, tu bouges pas. Et puis après, petit à petit, il faut passer à Astrobot. Bah, et puis, Moss, Giant, voilà, tous ces trucs-là. Et puis après, petit à petit, il faut s'attaquer parce que c'est sûr qu'un Ace Combat, on est sur trois axes. Non seulement on va vite, en plus on bouge dans tous les sens. Et si vous êtes malade dans un avion, bah, vous allez être malade là-dedans. Donc il faut y aller doucement. Après, il y a quand même beaucoup plus d'options de confort maintenant sur les jeux modernes qu'il n'y en avait avant quand nous on a commencé. Quoi. Parce que Valkyrie, les options de confort. Ils sont mieux conçus, je pense aussi. Parce qu'un jeu comme Squadron, même un nouveau venu, je pense qu'il n'aura pas vraiment de soucis en fait, dessus. D'après ce que j'ai entendu un petit peu à droite à gauche. Je ne sais pas s'ils n'ont pas des framerates plus stables que ce qu'on avait au début. Moi. Bah, c'est possible. Ça est peut-être une question d'échelle aussi. Enfin, je suis pas certain de ce que je dis, hein, mais peut-être une question d'échelle où le fait d'appréhender un petit peu le monde qui t'entoure est mieux géré en fait. Peut-être que aussi il y a des petits repères visuels pour justement, par exemple sur Squadron, clairement hein, le cockpit, hein, ça t'aide carrément pour justement pas te rendre malade, hein, parce que tu restes dans un habitacle qui est fixe, qui ne bouge pas. C'est que tout ce qui se passe autour qui bouge, mais en fait toi, ton corps, ton cerveau peut te dire. Peut se dire non je bouge pas là, donc il y a pas de problème. C'est ça. De toute façon, même des jeux comme Eagle Flight où c'est qu'on avait cette espèce de œillère noire qui s'affiche autour de ta vue là, dès que tu bougeais la tête, tu avais une œillère noire, tu disais mais c'est pas possible, là j'y vois plus rien. Tu te balades dans Paris et tu vois comme si tu voyais dans une longue vue. Tu peux pas l'enlever. Si tu peux la désactiver, mais ça sert à te donner un repère. Et peut-être que comme tu dis, quand tu es dans une voiture ou quand tu es dans un vaisseau, tu n'as pas encore la même sensation que quand tu te déplaces comme dans Scavenger, où là c'est ton corps qui se déplace et du coup ça peut rendre encore plus malade. Et notamment, tu vois, dans Wipeout, tu avais plusieurs sélections de vues comme ça différentes. Soit tu pouvais bouger l'entièreté en fait, ton vaisseau pouvait bouger avec toi dans les virages. Soit ta cabine restait fixe, collée au sol, et c'est juste les ailes en fait de ton vaisseau qui bougeaient autour de l'habitacle. Enfin, il y avait plein de petites options justement qui permettaient de, selon ta sensibilité, de que ça se passe mieux ou pas, quoi. Et je pense que maintenant, ça se fait. Enfin, voilà. Les développeurs, ils ont gagné quand même une certaine maturité dans les jeux en VR, ils savent exactement ce qu'ils font. Et je serais curieux d'essayer de faire tester en tout cas Squadron à quelqu'un qui est vraiment néophyte pour voir si. Qui a le mal de se transformer avec un saut. Pour voir s'il vomit ou pas. Exactement. Le sadique. Exactement. Donc voilà. Autre chose à rajouter sur Squadron ou maintenant on se fait des teams et puis on va se foutre joyeusement sur c'est la gueule. C'est ça, non. Bon jeu. C'est une bonne idée, ça, Sei. Bon jeu. Bah dis donc. Allez. Achetez-le. Pour ceux qui l'ont pas acheté, achetez-le. Franchement, ceux qui sont habitués et qui l'ont pas acheté, allez-y parce que vous allez vous régaler. Voilà. Compatible OTAS aussi. Oui. Ouais. Donc avec quelques problèmes sur PC et zéro problème sur PS4. Oh là là, comme il se la pète. J'ai pas de manche à balai, donc j'ai pas pu tester sur PC. En tout cas, il marche très très bien déjà. Avec ma super manette Xbox One, la meilleure manette du monde. Ouh. Hein, Laurent, tu travailles pas dans l'écologie, toi? Si, mais. Faut pas. Ok, j'ai honte. C'est bon. Tu es donc pour le réchauffement climatique. Bon, j'arrête. Bah écoute, faut bien que ça me fasse du boulot. Hein. Moi, s'il y a pas de pollution, j'ai pas de travail. Donc merde. Hein. forcément. Ensuite, aujourd'hui, grâce à Monsieur Maggio, nous avons découvert l'interface de la PlayStation 5. Ouais, grâce à Burger King surtout. Grâce à Burger King et à leur super burger bien dégueulasse. Franchement, j'ai eu peur. Hein. J'ai vraiment cru que l'annonce, ça allait être les 1000 PS5 en offert, là, en cadeau, en tirage au sort à Burger King. Là. Mais bon. Ouais. Non, ils nous ont vraiment pondu quelque chose de concret. Donc, on a eu un petit aperçu de ce qui est dit encore par les devs de la nouvelle interface donc de la PS5. Et puis, ça a l'air relativement correct. Ça change. C'est beaucoup plus rapide, plus fluide. La grosse partie intéressante, c'est surtout l'intégration du PS Store à la console. Donc fini les problèmes vraisemblablement de chargement d'interface et de temps de chargement entre chaque étape de validation, de téléchargement, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont mis en avant aussi la nouvelle aspect des parties vocales et des groupements. Ouais, j'ai trouvé un peu dommage parce qu'ils ont dit que c'était une exclue sur PS5, mais enfin pas une exclue, mais que ça venait avec la PS5, mais bon, ça vient aussi sur PS4 puisqu'il y a une mise à jour qui a été faite hier sur PS4. La 8.0. Ouais, c'est ça, oui. qui inclut notamment tout ça. Et du PSVR. Et du PSVR, mais je l'ai pas eu celle-là. Alors. Alors il faut d'abord faire la mise à jour 8.0, ouais, celle-là, je l'ai faite. Et après derrière il faut retourner sur les périphériques et PSVR pour refaire l'autre mise à jour. D'accord, bah j'irai tout. D'accord. Je sais pas. Et du coup pareil, petite donnée importante au niveau des conditions d'utilisation. Ils ont rajouté en fait la possibilité d'enregistrer et de garder toutes les parties vocales qui sont faites entre amis PSN. Et de s'en servir pour faire une enquête ou autre. Donc ça c'est nouveau. Il faudra donc faire attention à ce que vous dites maintenant. et je pense que c'est surtout. Alors je sais pas si vous vous rappelez, pour rebondir, il y avait eu une affaire qui était tombée. Je sais plus si c'était aux États-Unis ou dans un autre pays. Sur des mecs en fait qui dealaient de la drogue via le PSN. Ah oui, j'avais entendu voilà, deux ans ça. Et je pense que c'est aussi pour se prévenir de tout ça. Bon, ça fait un petit moment, ça fait quelques années maintenant. Mais je pense que c'est pour se prévenir de tout ça et se dédouaner aussi parce qu'ils ont dû galérer pour récupérer les enregistrements des gens et tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit lien là-dedans. Non mais c'est clairement pour éviter aussi le trash talk et puis voilà, les gens qui abusent, qui insultent, insultes racistes, homophobes, tout ce que tu veux. Oui, oui, tout à fait. On sait très bien comment ça se passe sur les jeux multi, hein, donc tout à fait. Les menaces... voilà, donc c'est. Ouais, je sais. Alors, pas je trop sais, quoi je en sais penser, pas si hein, c'est, je sais pas si c'est sur les chats publics. Hein. Je pense que c'est vraiment dans les groupes privés. Quand tu te crées une partie privée avec tes amis, je pense que c'est ça que ça enregistre. Parce qu'en fait, tu peux aussi. Avant, tu pouvais plus être invité dans une partie vocale si tu avais un autre joueur que tu avais bloqué qui faisait partie du groupe en fait. Là maintenant, tu peux, mais vous vous entendrez pas mutuellement. Tu vois, enfin, il y a effectivement, comme tu dis, cette partie. Pour éviter les fights, les embrouilles et tout ça. Mais, mais par contre, ça s'est mis sur la partie vocale PlayStation. Tout ce qui est chat interne au jeu, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc tu vois, quand tu joues à Firewall, par exemple, tu prends le chat du jeu standard sans passer en partie vocale. Ça, je pense pas que ça soit géré. Tu vois. Ça sera peut-être géré justement par les studios de développement oui, après, ceux qui mettent en place mais... les serveurs de certains jeux. Quoi. Et donc voilà, après... pas mal d'infos sur le quick resume où tu peux reprendre les jeux d'un peu n'importe où chapitré, ouais. Tu as l'ajout d'une fonction d'aide d'aide sans spoil, donc c'est à dire que si tu es bloqué dans le jeu oui c'est pas mal ça Tu peux donc regarder tu fais appel à la communauté en fait, voilà c'est ça, via d'autres joueurs comment ils ont fait pour se débloquer à ce niveau là par rapport à là où tu es, donc ça t'évite de chercher pendant 1000 ans sur YouTube ou autre et tu peux décrocher comme Death Stranding, tu peux décrocher la petite fenêtre et la mettre dans un coin tout en jouant, ça c'est pas mal tout à fait mais par contre la petite particularité c'est que vraisemblablement ça n'est accessible que sur certains jeux, pas sur tous, et surtout ça n'est accessible qu'aux membres PS Plus. Et ça c'est dommage, je trouve. Bon, après, chacun se fera son idée, mais bon, moi je trouve pas ça très fair play. Surtout si c'est un truc. Surtout si c'est quelque chose de communautaire. Oui, parce après, que, on peut se dire que comme si tu veux profiter d'internet, si tu veux profiter d'internet sur PlayStation, tu sais qu'il te faut le PS Plus. Donc, il y a peut-être aussi. Ça qui fait que ça s'explique. Bref. C'est un appel du pied, c'est sûr et certain. Ouais. Et pour revenir juste au quick resume, ça m'a fait un petit peu penser au système de save state sur les émulateurs sur PC. Oui, ouais, peut-être. C'est exactement ça en fait. Tu reprends une partie de ton niveau là où tu l'avais laissé, tu peux reprendre avant, après. C'est bizarrement intégré dans les jeux et c'est bizarrement montré dans l'interface. Oui. Mais en fait, ils ont commencé par l'interface in-game du Quick Resume et ensuite ils sont revenus sur l'interface de la console. Mais ouais. C'est vrai que ce système de vignettes, je pense que c'est comme tout, on est habitué aujourd'hui à l'interface de la PS4, c'est fluide dans notre tête, etc. Mais enfin, c'est bien loin d'être aussi optimisé, je pense, que tel que ça l'est sur PS5. Bah donc oui. Encore une fois, il faut qu'on s'habitue, hein. c'est toujours mais, pareil. Mais tu vois, ils ont montré ça sur un jeu, c'était Little Big Planet. Ouais, c'est ça. Little Big Adventure, oui. Little Big Adventure. Le Sackboy Adventure, putain. Eh ben, quand il l'avait présenté, très moche. Juste Laurent. Non, tu parleras pas assez. Juste quand ils ont montré ça, justement, ils disaient, par exemple, ce niveau, je l'ai fini à 30%, alors je peux revenir dessus, hop, tu reviens sur le niveau. Tu vois, alors que finalement, dans le déroulé en fait de ton jeu, je trouve ça un petit peu bizarre, justement. Oui, bah c'est pour montrer les capacités, après... Ça va être vraiment jeu par jeu, quoi. Il faut que ce soit prévu dans l'interface du jeu, il faut que ce soit prévu dans le déroulé du jeu aussi. Je vois pas faire ce genre de choses-là sur un Last of Us 3, quoi. C'est pas déjà ce qu'on faisait sur des jeux type Rayman ou des trucs comme ça, quand t'arrivais à passer le niveau et puis tu disais mince, celui-là je l'ai pas terminé, puis tu revenais après. Ce qui me fait dire, c'est une fonctionnalité qui est prévue que pour un certain type de jeu, et par exemple pour les jeux narratifs comme Elder Scrolls 6, ah, oui, qui sortira peut-être pas sur PS5, du coup je vois pas vraiment mais si c'est. Après, on si connaît pas clair, trop, quoi. On connaît pas trop le déroulé encore ni le fonctionnement de Sackboy Adventure. Mais par contre, on peut se dire que c'est peut-être les différentes vignettes correspondent à des mondes différents dans ce même jeu. Et dans chaque monde, tu as plusieurs niveaux. Et sur ce monde-là, tu es à 33%. Sur l'autre monde, tu es à 66%, tu vois. Mais sans pour autant te dire, tu es sur un niveau, tu coupes au milieu du niveau, tu vas passer au niveau d'après, tu vois. Tu vois où je veux en venir ou pas trop. Donc oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un truc que j'ai pas compris dans la présentation de l'interface, du coup. Bon, après, parce que pour c'est moi, pour c'est montrer comme les capacités de la console. Peut-être que c'était pas le jeu adéquat pour montrer ça. Pour moi, c'est peut-être que c'était le seul jeu adéquat pour montrer ça, justement. Ou peut-être, effectivement. Comme disait Laurent, ça fait penser aussi un petit peu à Rayman, hein, c'est-à-dire que tu picores le jeu comme tu le sens, mais pourquoi est-ce que c'est intégré dans l'interface de la console, ça, c'est un truc que j'ai pas compris, en fait. Donc, on verra un peu plus tard à quoi ça ressemble, quoi. Oui, Laurent, tu voulais dire quelque chose avant de me couper la parole comme un gros sagouin. Blablabla, j'ai plus envie. Non. je sais même plus ce que je voulais dire. Non, je disais que oui, moi j'ai été impressionné par Sackboy Adventure parce que quand il avait présenté, c'est sûr qu'il avait présenté avec d'autres jeux qui étaient quand même qui tapaient à l'œil. Et celui-là, c'était pas un de ceux qu'on avait vraiment. Et je l'ai trouvé super beau sur cette dernière vidéo là de l'interface. Oh, il est mignon. Je me suis dit, putain, il est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, c'était juste. Et il y a autre chose qui m'a fait marrer, c'est quand il est donc en train de jouer à Sackboy, et il a un de ses potes qui est connecté en live en train de jouer, et tu peux regarder ce que ton pote est en train de faire, en fait. Ouais, à quoi il est en train de jouer. C'est très pratique pour le streaming, ça, quand tu fais des parties de joueurs avec un ami ou quoi, et que tu veux streamer aussi la partie de ton pote, et tu l'as plus seulement en vocal, en fait, mais t'as aussi, les gens ont aussi accès à l'écran qu'il a. Je pense que c'est aussi dans cet intérêt-là. Faudra voir si tu peux diffuser d'ailleurs tout ça directement. Faudra voir comment tu peux désactiver les trucs. Par exemple, ton gamin qui dit à son pote « Non, ce soir, je ne joue pas à Fortnite, j'ai des devoirs. » Et puis en fait, ton pote arrive et puis il s'aperçoit que t'es sur Arc ou sur un autre jeu. Parce que t'as oublié d'ailleurs, de désactiver la fonction ou... Il y a une autre chose qui est très intéressante dans la nouvelle mise à jour là, de la PS4 et du coup, je pense, de la PS5. Tu as la capacité de recevoir des notifications par mail lorsque ton enfant se connecte sur le chat vocal. D'accord. Un contrôle parental un peu plus poussé, ouais, tout à fait. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Donc, il y a deux, trois autres notes à ce niveau-là, je ne me rappelle plus tout. Mais j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ah, tu les sens, les darons, là. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, ça peut être pratique, voilà. Les gars. Qui ont des préoccupations. Dieu sait que c'est long, ça. Les conditions d'utilisation. Si tu veux qu'ils aient des bonnes notes. Donc, j'ai trouvé ça sympa aussi. Ouais, très bien. Après l'interface globale, bon, ça reste. Sobre. Ultra sobre. Ouais. Ah oui, par contre, c'est le bleu, c'est fini, quoi. Voilà. On est passé à autre chose. Maintenant, on est des grands. c'est fini. Voilà. Par contre, c'est à chaque fois tout en animation sur le fond, en fait. Oui, ils ont dit on a laissé place au jeu, c'est optimisé pour les écrans 4K. Encore un truc que j'ai trouvé bizarre, perso. C'est-à-dire que justement, tu vois Sackboy qui est en train de tourner derrière pendant que tu es dans le menu. Enfin, je sais pas, tu mets pause, quoi. Ne serait-ce que pour certains jeux qui. Où tu as des trophées, où tu dois terminer le jeu en moins de 15 heures, tu vas pas le laisser tourner comme ça pendant que tu es dans les menus, quoi. Tu le mets en pause, tu le laisses pas. Oui, mais ça doit le mettre en pause. S'agiter derrière. Bah oui, je pense. Ouais. Parce que. Bah là, il était pas en pause parce que tu vois l'espèce d'écran de fond comme. Tu vois l'environnement, tu vois les arbres qui bougent comme s'il y avait du vent, mais Sackboy, il reste en place, il bouge pas. Mais d'accord, mais ton jeu n'est pas en pause. Non, mais parce que le mec a pas mis pause. Après, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Si tu dois mettre pause d'abord et ensuite appuyer sur le menu, c'est con. T'es dans un solo de. Voilà, t'es dans un solo de Call of, t'as une grosse explosion, t'appuies, tu vas aller dans le menu, ben, est-ce que tu te la prends l'explosion ou est-ce que tu peux te barrer Bah tu mets pause. C'est ça. Ouais, donc donc il y a une différence entre aller dans le menu de la console, ce qu'on faisait avant avec le bouton PlayStation, et mettre ton jeu en pause. Toi. Je sais pas, mais quand t'appuies sur le bouton, non, mais quand t'appuies sur le bouton PlayStation, ton jeu il est pas en pause, il tourne encore. Donc, ah, bon ah bah oui, il est, tuer... il est en tâche de fond. Tu te fais tuer par l'explosion. Il est en tâche de fond, mais il est en pause automatique. Bah, ah non, il est pas en pause. T'es sûr de ton coup? Écoute, comme j'aime bien les statistiques, à 99%, je dirais. Il y a toujours 1% de doute, tu vois, mais. D'accord. Parce que tu vois, même, je sais pas, sur l'Oculus, enfin, sur le casque sur le PC, quand je vire le casque, ça me fout automatiquement mon jeu en pause. Quel que soit le jeu. Oui, mais t'es, on parle de la PlayStation, là. Oui, mais je sais, mais justement, je n'ai même pas souvenir d'avoir essayé, d'avoir constaté ça sur PlayStation. Et je suis quasiment sûr, en tout cas sur PS4 Fat, que quand tu appuies sur le bouton PS, ça te met ton jeu en pause automatiquement. À 99%. Bah écoute, on a les mêmes 1% de doute, donc je te propose qu'on aille vérifier. Ça dépend. Allez. Peut-être des jeux. Hein. Moi, je fais. Ça dépend peut-être des jeux aussi. Ouais. Bien, donc on a bien avancé sur la question. Merci de nous avoir écouté. Parfait. On est ravis. Toujours de une précision exemplaire. Ravi de pouvoir apporter des infos intéressantes. Précise. Donc voilà, non, mais c'est quand même, ça reste quand même une belle interface. Bon, il faudra s'y habituer, c'est sûr. Mais c'est, en tout cas, c'est fluide. Voilà, pour l'instant, c'est fluide. Heureusement. Ça a l'air relativement clair. Donc, écoute. Est-ce que ça plante? Est-ce que ça a planté en plein milieu de la présentation? Non, j'ai pas vu. Ça troll, c'est pas bien. Non. J'ai pas vu, non. Ça a l'air. Non, bah après, c'était un trailer monté, hein, c'était pas du direct. Ouais. Donc ça explique. Il n'y a pas eu de pause de 10 minutes, non. Voilà, c'est ça. Non. Pas de pause boisson. Pas de pause boisson rafraîchissante. Bon. Très bien. Bon, voilà. Autre chose à rajouter sur cette interface pour le moment ou on a fait le tour à peu près de ce qu'on savait, c'est-à-dire pas grand-chose. Pour l'instant, ça me va. Bah, que ceux qui l'aiment pas, de toute façon, sauront que dans 2 ans ou 2 ans et demi, ça va changer. Ils vont la remoderniser un petit peu quand s'il y a une nouvelle console mid-gen ou un truc dans le genre qui sort. De toute façon, ça se passe toujours comme ça. Ouais. Alors, j'espère juste qu'elle sera pas trop fouillée d'informations. Mais à part ça, il faut juste préciser que c'était un premier aperçu de l'interface et qu'ils vont prévoir, ils ont prévu de faire plusieurs vidéos. Aussi. Donc moi ce qui m'intéressait c'est la gestion du SSD et éventuellement d'un disque SSD supplémentaire NVMe, de voir comment on passe un jeu du SSD au NVMe, est-ce que c'est automatique, est-ce que le NVMe est considéré comme une extension du disque ou est-ce que c'est deux disques et il faut s'amuser à passer Je pense que c'est deux disques et que le NVMe sera essentiellement pour le stockage et la réinstallation du jeu. Je sais pas. C'est comme ça qu'ils ont l'air de le présenter. Donc tout ce parti-là. Ce qu'on aimerait voir aussi, c'est des présentations en live aussi. Tout à fait. Non montées, pour voir un petit peu justement à l'usage comment ça fonctionne. Écoute, maintenant qu'on regarde depuis les dernières annonces, ils font un communiqué par semaine. Donc il reste 4 semaines. On va avoir un peu à manger toutes les semaines. En espérant un peu de VR au passage. Ah, ça serait bien ça. Ça serait pas mal. Pareil que c'est l'avenir, donc il faudra peut-être s'y mettre. Pareil que c'est un des avenirs. Et à propos, il y a certains auditeurs, certaines personnes sur le site ou sur notre page Facebook ou sur Twitter qui nous font des retours de plus en plus fréquemment sur le fait qu'ils lâchent un petit peu le PSVR. Voilà. Et c'est leur choix, et ils ont droit, à la faveur de l'Oculus Quest 2. Enfin... Non, mais même pas l'Oculus Quest 2, le Quest 2 Facebook. Le Quest 2 by Facebook, s'il te plaît. By Facebook, Mark Zuckerberg Edition. et donc on voulait voir un petit peu, en parler un petit peu, dire ce qu'on en pense de ce Quest 2, nos attentes, ce qu'on craint un petit peu aussi, parce qu'on a quelques craintes à ce sujet. Mais on va commencer déjà par mettre les mains dans le cambouis, et puis ça c'est Laurent qui va s'y coller, parce que c'est le seul technicos digne de confiance qu'on a dans l'équipe. Donc vas-y. Et nous on va bien s'arranger pour le contrer, parce que quand il part dans ses délires, il faut qu'on le rattrape par les pieds pour qu'il redescende un peu sur terre. C'est ça. Donc le Quest 2, le Quest 2 c'est qui quoi? C'est la suite. Non, c'est faux. Non, on n'est pas d'accord. Non, c'est faux. C'est la suite du Quest 1. Globalement, un tout petit peu plus léger, puisqu'il pèse 503 grammes. Je crois que le Quest 1 devait tourner autour des 600 grammes. J'ai pas la fiche technique sous les yeux, mais c'était un truc comme ça. Donc, il est un tout petit peu plus léger. Niveau dimension, c'est à peu près kiff-kiff. Et puis derrière, ce qui change principalement, c'est la résolution d'écran. Avec, il y a 1832 par 1920 pixels par œil. Donc, c'est quasiment de la 4K native, de la 2K par œil, on va dire. Donc, ce qui est super. Derrière, niveau du rafraîchissement, il est à 72 Hz, mais il sera bientôt à 90 Hz. Donc, moi je dirais que ça, ça veut un peu rien dire parce que c'est vraiment en fonction de la compression d'image qui est envoyée. Si l'image est un peu plus compressée, il suffit après de l'upscaler et du coup on peut monter à 90 Hz. Donc, c'est toujours. Donc, on va dire que techniquement il peut monter à 90 Hz, mais ils n'ont pas encore installé le truc pour le faire, quoi. Ouais, d'accord. Ensuite, c'est une puce Qualcomm Snapdragon XR2. Donc la XR2, ça correspondrait à peu près, parce que on peut pas vraiment comparer entre les teraflops GCN, les teraflops RDNA2. Là, c'est vraiment une puce téléphone mobile. Donc si on devait la comparer, ça serait un truc qui tournerait entre 1,6 et 1,8 teraflops, on va dire, mais ça reste vague parce que, comme je vous dis, c'est pas super précis là-dessus. Donc, le gros intérêt du Quest 2, c'est bien sûr que c'est un casque autonome, sans fil. Il a 6 gigas de RAM aussi. Il a 6 gigas de RAM et au choix, on peut prendre en stockage soit 64 gigas, soit 256 gigas. Et surtout, au niveau de sa dalle, les habitués du Quest 1 vont peut-être avoir un peu la même sensation que les utilisateurs de PS Vita avaient eu en passant de la première PS Vita à la deuxième, parce que le Quest 2 n'est pas en OLED, mais c'est un écran LCD, et les deux avaient des dalles Pentil. Donc je ne sais pas si vous avez lu des articles sur ce sujet qu'on avait déjà fait. La dalle Pentil, c'est un peu une... Ça a été pas mal critiqué au début des lancements de ces dalles-là, parce qu'ils trichent en fait sur le nombre de pixels. Chaque pixel devrait être composé en RVB, donc rouge, vert, bleu, d'un tiers de pixels rouge, vert et bleu. Sauf que Pentil, eux, ils mettent par exemple que le bleu, alors je crois que c'est le bleu et le rouge, et le sous-pixel vert, lui, il est tout petit par rapport. Et du coup, on a beau annoncer une définition ça fait 3664 pixels. Au final, il y a beaucoup moins de pixels, il y a beaucoup moins de sous-pixels par pixel avec cette technique. Ce qui peut, en théorie, par rapport à une dalle OLED, présenter un effet de grille peut-être plus visible. Sauf que maintenant, on atteint quand même des résolutions qui atteignent quand même les 4K, 2K par œil. Donc là-dessus, faut pas déconner non plus. Faut bien plisser les yeux, je pense. Voilà, il faut chercher la petite bête. Donc au niveau de la définition d'écran et tout ça, c'est vraiment le point fort du Quest. Ouais. Au niveau de la résolution, ouais, vas-y. J'ai une question de novice, mais du 2K par œil, c'est aussi simple que ça, ça fait de la 4K. Ça fait pas de la 2K. Ah non, ça dépend. Ce qui est important, c'est de parler en puissance. La machine qui est derrière, donc le Quest, il a besoin. Elle va te calculer une image en 4K en fait. Elle va te calculer deux images en 2K. Donc elle va. Si tu ajoutes les deux, ça te fait une image en 4K. Oui, donc c'est ce que je te dis, c'est une multiplication plus réduite. C'est ça. De 2K pareil, 2 fois 4. C'est tout con. D'accord. Tu calcules ton nombre de pixels. Et puis t'as. Ok, comme je pensais que c'était la même résolution dans chaque œil, en fait, que tu voyais une image en 2K par œil, donc tu voyais de la 2K. Voilà. Oui, non, mais d'accord, tu vois de la 2K, mais si tu vois, en fait, dans ce que doit développer la machine pour avoir un bel affichage, c'est une puissance pour faire de la 4K ultra fluide, quoi. Alors voilà. Ouais, mais ça reste de l'affichage en 2K. Eh ben, oui, pareil. T'as 2K par œil. Oui, mais. Excusez-moi, mais ça peut durer très longtemps. Tu as pas tort, parce que si par exemple tu es sur un téléviseur 4K, tu auras beau fermer ton œil, tu auras 4K sur un œil, parce que c'est un téléviseur 4K. Merci. Donc d'un point de vue du joueur, c'est sûr que c'est de la 2K, on va dire. Mais par contre, d'un point de vue de la puissance nécessaire... D'un point de vue du commercial de chez Oculus, c'est de la 4K. Ouais. Okay, non, d'un point de vue de la puissance qui est nécessaire, justement, c'est ça qui est con. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le perçu. Au final, c'est le perçu par l'œil. Et ça reste de la 2K. Oui, c'est bon, pas comme si c'est pas comme si t'avais oui non mais oui non mais, oui, non, mais faut, tu faut as être clair tu faut pas raison. Tu vois ce que je veux dire, faut être clair, voilà. Tu as raison. C'est non mais c'est vrai en plus. C'est ça. Donc après qu'est-ce qu'il y a d'autre juste un truc à propos du passage de OLED à Pencil. Oui. Je sais pas quoi, ça a pas un petit peu justement, si tu faisais la corrélation avec la Vita, ça a un impact en fait sur les noirs, sur les couleurs de l'image, sur les couleurs en général, voilà, qui sont un peu moins impéchues, quoi. C'est ce qu'on va pouvoir regretter, c'est ça, c'est par rapport au premier Quest en plus, hein. Le OLED, un pixel noir, c'est un pixel qui a les 3 sous-pixels éteints. Donc un noir parfait, on éteint le pixel tout simplement, donc on a un noir noir. Le LCD, il est rétroéclairé par l'arrière, ce qui veut dire qu'en fait le LCD c'est comme un film transparent dans lequel tu as tes pixels, et derrière tu as une lumière qui va rétroéclairer, donc même si tu éteins ton sous-pixel, tu auras toujours la lumière derrière qui va te faire un gris en fait. Un gris anthracite, un gris. Et donc, au niveau de la profondeur et des contrastes d'image, ça a rien à voir en fait. C'est pour ça que ça paraît pas grand-chose, mais c'est un truc justement qui avait été reproché au Rift S, voilà. qui justement a le même type de d'écran. Et c'est vrai que tu fous un PSVR ou même un Quest premier du nom, et après tu fous le Rift S. Les noirs sont gris, quoi. C'est la dalle. C'est le LCD, ça. Mais c'est ça. À la c'est limite, un petit peu dommage, à la limite, je dirais que c'est moins grave. Ce qui peut être grave, c'est justement quelqu'un qui a joué pendant des centaines d'heures sur un Quest et qui va passer sur un Quest 2. Et ben, il va peut-être se dire à un moment, mince, c'est moins bien. Ça pète moins qu'avant, quoi. Les couleurs sont moins vives. C'est comme un téléviseur. Hein, vous comparez. Alors maintenant, ça se voit de moins en moins parce que les télés sont c'est beaucoup plus poussé. Sauf que là, on a un écran qui est quand même à 3 cm de l'œil, donc c'est ben voilà le truc qu'on peut dire sur le Quest 2, c'est que les couleurs sont moins vives. Il a une meilleure résolution, il est meilleur sur tous les domaines, mais sur l'écran, il y a une petite réduction de budget en fait sur cet écran là. On aurait aimé de l'OLED RGB, quoi. Ouais, c'est vraiment du chipotage en fait, parce que quand t'es en jeu, en action, tu fais pas gaffe justement à la couleur de tes pixels, soit ils sont éteints, soit t'as un filtre devant. Un joueur qui a jamais joué au Quest 1, il verra même pas. C'est comme quand on a acheté ceux qui achetaient la Vita, la numéro 2, la Vita avec un LCD, ils ne savaient pas que celle d'avant elle était beaucoup plus jolie, quoi. Par contre, un joueur qui a joué au PSVR avant, il va le voir. Il va surtout voir déjà la résolution qui sera bien meilleure, je pense. C'est possible. Tu crois ? Oh, je pense oui. C'est pareil, hein, j'ai beau regarder dans ce casque, la dalle 1080p, l'effet de grille... Tu le vois pas. Il n'y en a pas, mais c'est une question de flou et une question, par exemple, sur les écritures ou sur les petits typos qui sont dans certains titres. Tu vois l'effet d'escalier. Ouais. Tu l'as quand même beaucoup moins la netteté globale des arrière-plans sur un écran de cette taille-là, oui. 3600 pixels de large. Tout dépend de la puissance, et tout dépend du jeu. On parlait de Squadron, l'une des premières missions, quand on arrive justement sur la base là, où on va rencontrer notre capitaine qui va sur un PSVR, c'est de la bouillie de pixels. Quand on arrive, on se dit oula, c'est là, je commence bien. Et puis, mais tu sais, on en a parlé, hein. Je t'en avais parlé, hein, sur PC en ultra. Je peux te dire que les fonds dans Squadron en VR sont pas fous. Hein. C'est pas terrible, hein, par exemple les étoiles, c'est des espèces de voilà, enfin le bitmap en fait qu'il y a derrière dans le décor, moi je le trouve perso dégueulasse, hein. Est-ce que t'as vraiment le temps de le regarder? Ouais, mais là oui, t'as un petit peu le temps de le regarder parce que ça, on parle du de ça m'étonne pas que décor, tu sois nul en l'optimisation du jeu, c'est le décor, et du, je te et prie du développement déjà du jeu. Par contre, si par exemple vous avez un casque VR, on va dire un Nintendo. Comment il s'appelait déjà le casque Nintendo? Nintendo Labo? Virtual Boy. Ah oui, d'accord. Admettons que vous avez un écran de 100 pixels par 80 pixels dans chaque œil. Votre premier plan, ce sera il aura 100 pixels par 80 pixels. Votre arrière-plan, il ne tiendra que sur 2 pixels, donc ce sera un cube. Et là, c'est le même principe. C'est que en 1080p, et ben, tous les objets d'arrière-plan qui sont détaillés, par exemple, je pense à Robinson de journée, par exemple, s'il y a un oiseau qui passe à l'arrière, Vu qu'il est en arrière-plan, il ne va tenir que sur quelques pixels, l'oiseau. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a, on a des espèces de formes, on ne sait pas trop ce que c'est, cubiques, qui se baladent en arrière-plan. Et plus l'écran monte en résolution, et plus il y a du détail. Parce que pour faire cet oiseau, plus il y a de pixels, donc plus on peut le contourner, plus on peut faire des choses... Et en mouvement aussi. Ouais, mais ça, ils l'ont quand même, ça, ils l'ont quand même pallié avec le ben, un logiciel. Ah non, non, non, ça c'est natif, c'est natif. Non, c'est, non, je parle sur PSVR, si tu veux. C'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai très peu de comment dire, d'éléments comparatifs. Et le seul que j'ai fait, c'est le Vive Cosmos. Oui. Et j'ai pas trouvé ça fou en termes de résolution. J'avais essayé Sirento. J'ai pas trouvé ça fou en termes de résolution par rapport au PSVR, quoi. Pour l'écart de prix en plus qu'il y a. Non, mais le jeu est moche aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais Sirento, là on parle juste de résolution. Alors, c'est vrai que le PSVR, même s'il a qu'une dalle HD, c'est vrai que si tu le compares déjà au premier Quest, au premier Rift, au premier HTC Vive, même par rapport à l'HTC Vive Pro, c'est pas flagrant, quoi. Là, on s'approche quand même de casques qui sont quand même le Quest 2 là, quand non, même. Mais le Vive Cosmos, il a pas du 2K, non, c'est du 1440 par. Si, je crois que oui, c'est de la 2K aussi. Hein. Non, non, non, c'est des écrans carrés, 1440 par 1440, non. Et il est en OLED en plus, je crois, le Cosmos. Bah oui, bah c'est du 2K ça, Laurent. Ah non. Ah non, non, c'est pas du 1440 si. Ah non, c'est pas du 2K. C'était la résolution de. De mon la 4K, la 4K c'est 2140p. Ah non, non, la 4K c'est pas ça. Alors calculatrice, attends. Alors, attends. Et la 2K c'est du 1440p. Non. Oui, 1440, si. Ah mais oui, en hauteur tu veux dire. Aparté. C'est plus que ça la 2K. Attends, je vais te répondre. Sur YouTube, quand tu prends un flux 4K, c'est du 2140p ou 160p. Et quand tu prends en dessous, c'est du 1440. Ah oui, mais non, parce que ça dépend de quel 4K tu parles. Des 4K, il en existe au moins 10. Non, on parle de 2K, là. La 4K native sur un téléviseur, je vais te dire tout de suite ce que c'est. Si je retrouve... Bah, 4086. C'est 3840 par 2160. Eh bien, donc, c'est ce que je te dis, c'est 2160p. Mmh. Enfin, c'est cette résolution-là. Mmh. Donc, la 2K, c'est 1440p. 1440, c'est de la 2K. Oui, sauf que les casques Windows Mixed Reality, c'était des écrans carrés de 1440 par 1440. Donc une fois x2, ça te faisait pas les 3840. Ça te faisait 2800 par 2100. Là, tu as 1000 pixels de plus. Oui. Ça reste compliqué l'histoire. Bon, donc du coup, le Quest 2, c'est au-dessus de la 2K alors. C'est au-dessus de la 2K. Le Quest 2 se rapproche de la vraie 2K, pareil. Et c'est pas encore ça, hein, parce que après, t'as quel 4K tu parles si Attends. Bon, enfin bref. Alors, bon, c'est de la merde quoi. Ouais. Non, c'est plutôt. Aparté pas terminé. Mal. je vais te dire. Non, hop. Mais c'est vrai que voilà, c'est. Et puis les différences 4K, sont ténues quand 4K, même. Donc à tu vois, t'as plusieurs types de 4K. Par exemple, t'as la 4K. Oh, la 4K, putain, 4K Cinémascope, par exemple, c'est 3996 par 2160. Bah, c'est. Donc on est. Okay, donc ça, c'est la avec commune. Le Quest 2, il est à 3800 par 2160. Donc on se rapproche vraiment de la 4K classique. Après, t'as la 4K Ultra Wide Television qui est à 5120 par 2160. T'as différents types de 4K en fait. T'as même des 4K qui sont à 3200. Ça dépend des écrans. Le 4K c'est jamais pareil quoi. C'est ça. Ah, faut couper là. Donc ça peut monter jusqu'à 4096 par 3072. Donc d'accord. Ok Krasuki. Donc, bon on va passer à autre chose. Hein. Claire. Calme-toi Laurent, calme-toi. Donc non, le Quest 2, c'est de la 4K, c'est un casque qui est proche de la 4K, 2K par œil, voilà. Donc c'est ça. Entendons-nous là-dessus, pas de problème. Ce qui peut changer, c'est que vu que c'est un casque de dernière génération, au niveau du logiciel, par contre, il gère peut-être l'effet de grille beaucoup mieux que les autres, parce qu'il y a des logiciels donc apparemment, au niveau de l'effet de grille, c'est plutôt correct. Faut passer le côté moins bon, c'est que ça reste une puce XR2 dessus, donc c'est une puce mobile. Et c'est là où on rentre dans le cas de figure qui ne plaira pas à tous les utilisateurs, ce casque. Alors je dirais, si les gens... Alors voilà, moi je séparerais les utilisateurs en fonction de leurs besoins en VR. Quelqu'un qui a déjà un bon PC à la maison et qui a un casque un peu vieillissant et le Quest 2, il n'y a aucun souci, quoi. Il faut qu'il fonce, c'est un bon casque, il est même meilleur que le Rift S d'après tous les tests qui ont été publiés. Sauf au niveau du confort. C'est autre chose. Avec la sangle. Donc au niveau de l'image, le Quest 2 est très bon et meilleur que le Rift S au niveau de l'image. Après, tu as le joueur qui n'a pas de PC, et ça, on commence à avoir des demandes. On en a un encore aujourd'hui qui nous a demandé je ne sais pas si je vais acheter une PS5 ou un Quest 2. Le souci, c'est que les gens, c'est en fonction du budget là derrière. C'est les gens qui ont un budget console pas très élevé, qui ont, on va dire, 500, 600, 700 euros. Le souci, c'est qu'en prenant un Quest 2, il faut bien qu'il sache que derrière, pas très élevé, tout est relatif. En autonome, il reste sur une puissance de PS4. Par rapport à un PC, quoi. Donc derrière, il n'y aura pas un gros gap au niveau des jeux. Ils auront un gap au niveau de la netteté, parce qu'ils ont une meilleure résolution, mais au niveau de la qualité des jeux, ils auront un jeu net, mais pas un jeu qui sera poussif dans ses graphismes. Et ça, il faut bien qu'ils le sachent. Puis surtout, et d'autant plus qu'ils peuvent se retrouver coincés si derrière, ils n'ont pas le budget pour se payer le PC derrière. Parce que quand ils auront acheté le Quest 2, le truc qu'ils vont vouloir, c'est quand ils auront fait plusieurs jeux, c'est monter et puis jouer à des gros jeux. Donc derrière, je dirais quelqu'un qui a en prévision de se prendre un gros PC, il peut se prendre le Quest maintenant, ça c'est pas un problème. Quelqu'un qui, niveau budget, a plutôt un budget console pas trop élevé, qui sait pas trop ce qu'il veut faire et qu'il adore le PSVR, et je conseillerais clairement d'attendre. Parce que derrière, il va faire quoi ? Il va acheter son Quest, il va se dire ouais, c'est bien, c'est net, c'est vachement net. Sauf que derrière, il jouera pas là-dessus à Resident Evil, et c'est là justement où on arrive sur la taille de la mémoire. Un Resident Evil aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 37 gigas, je crois. 37 gigas, plus le DLC, les deux DLC, bah, tu arrives déjà à remplir la carte avec que ce jeu-là. C'est pour... Non, alors, Laurent, je t'arrête. Tous les jeux qui sont optimisés Quest, tu vois, j'ai même vu, ils ont même fait un robot recall, ils l'ont appelé Unlinked, je crois, oui. Ou un truc comme ça. Enfin bref, spécial pour la version Quest 2, le jeu, il fait pas plus de 2 gigas. Non. Oui. La majorité des jeux Quest, ils sont ultra légers à télécharger. C'est justement ce que j'étais en train de dire. C'est que la mémoire étant limitée à 64 gigas pour la partie le Quest 2, pour le modèle Quest 2 qui a le moins de mémoire, oui, il n'y aura pas de jeux qui feront 40 gigas sur Quest 2. Mais ça se voit à l'écran. Après, par exemple, là, ils ont sorti une version Quest 2 de Saints and Sinners, de Walking Dead. Tu vois la version... la version PC, parce que moi je l'ai pas essayé malheureusement sur PSVR, mais tu vois la version PC et la version Quest juste à côté, t'as l'impression que c'est pas le même jeu. Quest 2, parce qu'ils ont fait un comparatif avec la version Quest 2 aussi. Sur Quest 2. D'accord. Un peu plus étoffé. Ouais, mais justement, c'est des versions light en fait des jeux finalement. Et quand tu vois les différences dans les décors notamment, ou qui sont plutôt fouillés hein, sur PC, même sur la version PSVR. Je veux dire, t'as des meubles hein, quand même dans les bâtiments. Sur la version Quest 2, putain, c'est vachement épuré quand même. Ouais, mais alors là, la question qui se pose, tu vois, parce que tu mettais un argument en avant tout à l'heure, c'était la combinaison du fait que ça soit un casque portable, donc avec une puce de portable et 6 Go de RAM, bon, ce qui reste quand même correct. Je crois que c'est même plus que ce qu'il y a sur PS4 standard. C'est 4 Go, je crois. Sur la première... puce mobile, hein. Ouais, mais enfin, ça reste quand même plus de en termes de quantité. Même si c'est du mobile, ça reste quand même plus élevé que ce qui se fait sur une génération plus performante qu'une PS4 qui a 8 ans. Dans tous les cas, même si c'est du mobile, ça restera pour moi plus performant que ce qu'il y a sur PS4. L'original. Ouais, je ouais. Parle. Que la première. Voilà, ce sera vous. Un tout petit peu plus puissant que la PS4, la première, la Slim. Ouais, mais sur des pros de nouvelle génération, la gravure, c'est pas celui-là qui est gravé en 5 nanomètres, le pros, non, c'est pas ça, je confonds. Je dois, non, ça doit 5 être nanomètres, je pense pas, ça coûterait un bras, c'est pas encore sorti. Non, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, le problème de ce que tu dis, c'est pas la puissance de calcul, c'est la taille du disque dur. Oui, c'est le tout, c'est le tout. Les deux, de toute façon, l'un va avec l'autre. Le problème, c'est qu'il y a une incompréhension autour du Quest, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand je vais dire sur Internet que le Quest... Si par exemple, quand on avait fait le comparatif de MOS sur le Quest 1 face au PSVR, face à la PS4 Pro, derrière, on a une PS4 Pro qui fait 4,2 teraflops et on a un Quest qui faisait, je ne me rappelle plus... un teraflop ou un peu moins d'un teraflop. Moins d'un teraflop, oui. Bon, on parle de teraflop, hein, c'est juste pour donner une idée, hein, on sait très bien que... On peut très bien dire que le jeu MOS est moins joli sur le Quest que sur le PSVR par rapport à la PS4 Pro, et c'est justement... Il est beaucoup plus épuré. Il y a plusieurs niveaux dans le graphisme. Il va y avoir un niveau où les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils vont dire « Tu rigoles, le Quest est vachement plus net ». Mais c'est vrai, le Quest est vachement plus net. Oui, mais c'est les textures qui seront moins détaillées. Par contre, vu qu'il y a moins de patates dans la version autonome, eh ben, du coup, on enlève des fleurs, on enlève de la végétation, une texture mais oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'impression que ça soit parce qu'il y a moins de patates, j'ai l'impression que c'est par rapport à la taille du disque. C'est pour alléger les données pour la version autonome. Tu peux pas lutter face à une version optimisée PS4 Pro, t'as plus de deux fois la puissance. Eh bien, donc du coup, moi, j'ai une question toute bête. Est-ce que si on met un SSD et qu'on part, et là, je vais faire directement le parallèle avec un futur PSVR 2, est-ce que si on met, est-ce qu'on, en, au final, est-ce que si on part, parce que depuis que j'ai vu la miniaturisation du SSD de la PS5, je me dis que tout est possible. Donc, tu pars sur un casque autonome avec un SSD de cette taille-là, donc tu mettras certainement pas 825 gigas. Enfin, vu ce que j'ai vu, je suis persuadé que t'en mets 15, ça peut rentrer. Sur une architecture RDNA 2, pareil, mais en version mobile, parce que AMD ils vont sûrement sortir des pros pour les nouveaux PC portables avec des nouvelles cartes graphiques pour les PC portables, etc. Tu équipes ça là-dedans et tu résous ton problème. Sauf que tes yeux ils fondent. Pourquoi? Parce qu'une puce RDNA 2, ça monte à 100 degrés, ça. Dans un casque, tu vas y péter avec. Non, mais je te parle d'une version mobile. Hein. Je te parle d'un truc allégé en version mobile. Version mobile, tu prends un ordinateur portable, tu prends par exemple la série des Apple en aluminium, tu poses pas ta main dessus. Hein. Ça chauffe. Justement, le mobile, c'est justement des puces qui sont plus petites et qui chauffent beaucoup moins pour pas avoir un téléphone qui arrive à une température de l'énergie dans ta poche. Eh bien, est-ce que tu peux pas rajouter un système de ventilation et de refroidissement dans ton casque qui aujourd'hui n'existe pas? Un heatsink de la taille de la PS5 sur ton téléphone. Non, mais quand même pas. Mais non, mais tu m'as compris. Oui, mais en mobile, tu seras toujours limité de toute façon. On y arrivera, mais de toute façon, il y aura toujours un gap entre un PC, entre une console dernier cri et entre un appareil mobile. Ça, c'est là, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que le gap il soit à cause de la puissance du truc, mais plus à cause du stockage, du coup. Non. Pour avoir un maximum de jeux sur ton... Tu peux pas... J'aimerais bien savoir combien il fait Robot Recall, la version normale, parce que il est pas 3 lourd. Gigas, sur, ça paraît sur ridicule. Quest, il est pas lourd. Il existe sur Quest. Sur Quest 2, t'as pas un seul jeu qui dépasse les 5 gigas. Oui, mais c'est ça que je trouve extraordinaire. Enfin, sur PSVR, un jeu qui fait 12 gigas, c'est commun. Alors, par contre, il faut pas se tromper. Qu'est-ce qui pèse? C'est les textures qui pèsent très lourd. Ben oui, je sais. Après, on a une résolution. Mais attention, parce que c'est de l'optimisation, tout ce bazar. Robot Recall, il fait 9,32 gigas, pour info. 9 gigas. Le normal, la version PC originale. Le normal, ouais. Et la version Quest elle fait 2 gigas, je crois, de mémoire. Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai pas la taille sur mais, Quest. Mais au final, qu'est-ce qui pèse dans un jeu? C'est les assets. Et ce qu'il faut, au niveau optimisation, les développeurs, ils se retrouvent avec une machine qui fait, on va dire, une PS4. La PS4, ils savent qu'ils vont pouvoir afficher du 1080p en mettant... là, par contre, derrière, tu n'as pas un écran 1080p. Donc, il va falloir afficher la 4K. Et si tu veux avoir de la 4K, tes graphismes, ils vont prendre une claque. Parce que tu as la même puissance qu'une PS4, mais il va falloir monter en résolution. Donc, des images qui vont être... Euh, qui vont être plus grandes, donc plus lourdes. Et du coup, pour y arriver, tu diminues la taille des textures et en même temps, ça offre l'avantage que si tes textures sont plus légères, plus simples, parce qu'une image, en pixels, en définition, si ton image elle fait une taille de 4K, mais elle est toute rouge, elle pèsera que dalle. Si par contre elle a plein de pixels différentes, elle pèsera 5-6 mégas si elle n'est pas compressée. Donc en fait, en simplifiant les textures, donc en mettant plutôt des aplats plutôt que des textures élaborées, ils arrivent à réduire, malgré qu'ils soient quand même en 4K, ils arrivent à réduire le poids des fichiers. Et du coup, ça diminue la taille de ton jeu. 3,5 Go, Robocall. Voilà. Ouais, voilà. 3 fois moins. Donc ce qui est important, c'est là, jusqu'à présent, on n'a parlé que de la partie autonome. Hein. On ne parle pas du tout du Quest sur PC. Mmh. Où là c'est autre chose. Et on va y venir. Mais c'est vrai que il faut bien penser que il faut bien se poser la question, est-ce que je veux un Quest 2 parce que ça va me suffire des jeux, un Beat Saber, des jeux de ce type-là, et je veux découvrir la VR. Dans ce cas-là, Là, c'est parfait. Est-ce que par contre j'ai déjà un PSVR, je veux taper plus haut parce que j'en ai marre d'attendre, je vais me jeter sur un Quest 2 mais j'ai pas le budget et ouais, je vais me retrouver coincé parce que je vais dire merde, la PS5 vient de sortir, elle a une puissance de débile et puis je vois les jeux maintenant Resident Evil 8 et je sais pas quoi qui arrivent et maintenant ça me fout les boules parce que j'ai acheté un Quest, donc ça il faut y penser. Ou alors Là t'es dans la supposition. Ben disons que si ça arrive. Ouais, mais avec des si on coupe du bois. Oui, mais sauf que là on parle de quoi là, on parle au maxi un an. Quelqu'un qui a juste un budget de 500 balles ou 600 balles, quand il sera dans 6 mois et qu'il va voir ce qui arrive derrière, il va se dire merde, j'aurais peut-être dû attendre. Alors qu'il a. Moi, juste, je voudrais répondre moi aux gens qu'on entend justement et qui nous disent tous, voilà, j'ai pas envie d'attendre que Sony se bouge le cul à nous dire ce qu'ils vont faire au niveau de la VR sur la PS5, savoir s'il y a le PSVR 2 ou n'importe quel nom que ça pourrait avoir. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, je laisse tomber le PSVR et je vais sur le Quest 2. Uniquement avec ça, et donc pas avec un PC à côté. À ces gens-là, on dit, attendez. Tu vas pas te prendre la claque de ta vie au niveau de la VR. C'est un petit peu comme passer d'un jeu PS3 à un jeu PS Vita, si tu veux. Le jeu sera très très bon, ça sera le même jeu, sauf que ça sera la version light. Voilà. Tout simplement. Il sera plus net, mais moins Il moins sera texturé. Plus net, mais moins détaillé, peut-être. Le type aussi, qui vient nous voir et qui nous dit « J'ai 2000 balles de budget, là je veux me prendre un Quest », je lui dis « Bah vas-y ». Vas-y, fonce, prends un Quest, et derrière, tes 1500 balles qui restent, tu prends un bon PC en RDNA2, de la prochaine génération. C'est ça. Donc voilà, moi je comprends juste les gens qui ont envie de passer au Quest 2, ne serait-ce que pour les contrôleurs aussi, qui sont incroyablement plus efficaces que le PS Move, hein, ça, il n'y a pas de tortille. Et à pile. De toute façon, c'est clair. Ouais. Et à pile rechargeable, hein, tu peux à aussi. À pile. Ouais, mais à pile quand même, à la base. Pile. Mais à pile. Ils doivent bien s'entendre avec une autre marque qui fait des radiateurs. Non. C'est ça. Les bras zéro. Et voilà. Donc attention, méfiance. C'est-à-dire que c'est pas la panacée. En autonome, en tout cas, voilà, l'autonomie en plus, c'est de quoi? Être 2 heures, 3 heures? C'est 2 heures. Enfin, c'est 2 heures en Wi-Fi. C'est 2 heures en Wi-Fi. Ouais, c'est 2 heures en Wi-Fi sans fil pour la version jeu PC. Je vais pas y arriver. D'accord. C'est voilà, si tu veux plugger ton Quest sur ton PC en sans fil, donc en Wi-Fi, c'est 2 heures d'autonomie à peu près. Mais en autonome, par contre, je sais pas, je crois que c'est un peu plus. Il me semble que c'est 3 heures. Oui, d'accord. Bon, il y a à peu près 3 heures annoncées. Oui, ça peut tomber à 2 heures. Ouais. C'est ça. Mais par contre, voilà, si tu as, comme disait Laurent tout à l'heure, un bon PC, c'est-à-dire minimum 1000-1500 euros de config et que tu peux le brancher sur ton ordinateur, là par contre, c'est pas la même. C'est là où il faut pas se braquer sur ce fait-là. C'est par exemple Say qui a un PC et qui vient d'acheter un Rift S il y a pas très longtemps. Si Say demandait conseil, ça serait clair, ça serait prends un Quest 2. Si quelqu'un par contre a un petit budget et qu'il en a ras-le-bol et tout ça, je sais pas il faut qu'il sache qu'il va prendre un casque autonome s'il n'a pas de PC derrière. D'ailleurs, il est un peu blasé parce qu'il a acheté son Rift il y a 3 mois et qu'il aurait pu attendre un petit peu. Non, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein, le Quest 2, il n'est pas, bah, pas du tout fantastique par rapport à un Rift S quand même. Alors, si je peux donner mon avis là-dessus, non. Vu qu'on parle sur ma gueule, j'aimerais bien avoir un droit de réponse. Non, je ne réponds pas. C'est que dès qu'on a fait justement, il y a un mois à peu près, je devais avoir le Rift S depuis un mois. Donc, il y a 2 mois, à l'annonce du Quest 2, j'ai pas du tout été dégoûté pour 2 choses. Déjà, hein, le confort. Si j'ai pris le Rift S, c'est parce qu'en fait, il a le même système de soutien du crâne que le PSVR, qui est pour moi le casque le plus confortable du monde. Oui. Et pour moi, c'est essentiel. Après avoir passé des années sur le HP WMR, qui était une horreur, hein, qui me torturait à chaque fois que je jouais. Voilà, c'est le jour et la nuit. Oh, c'est moche de parler des absents comme ça, franchement. Si, c'est comme ça. Je l'ai enterré dans mon jardin, c'est fini. Tu nous l'as bien vendu quand même. Mon vieux WMR, il fait le taf. Non, c'est moche ce que tu fais. Non, c'est un bon casque, mais c'est vrai qu'au niveau du confort, c'était vraiment pas ça. Donc, déjà, d'un côté, je préfère franchement le confort du Rift S que les maintiens du Quest ou du Quest 2. Et deuxième chose. Ma configuration qui me convient très très bien au niveau des jeux VR, c'est plus une configuration de fou, hein. C'est à dire que maintenant il y a les dernières cartes graphiques de Nvidia qui sont sorties, apparemment c'est des monstres de puissance. Moi j'ai une 1080 Ti dans le bousin, j'ai 16 Go de RAM bien cadencé, mais bon ça reste que 16 Go, et puis un processeur qui a 5-6 ans maintenant. Tout ça je compte absolument pas le changer pour le moment, j'ai pas le budget pour. Et j'ai aucun besoin particulier. Et le fait justement d'avoir un casque comme le Quest 2, avec certes une meilleure résolution, mais du coup derrière qui demande beaucoup plus de puissance sur des gros jeux comme Asgard Wrath ou je ne sais pas quel jeu, enfin voilà, comme un Squadron par exemple, faut aussi avoir la bécane, hein, qui est derrière pour t'envoyer du 4K justement dans ton casque. Hein. Et justement d'avoir une résolution un petit peu inférieure sur le Rift S, moi ça me convient très bien. J'ai le confort d'utilisation. Et quelque chose qui est quand même beaucoup plus véloce avec ma configuration. Il faut préciser donc, aussi que la 4K envoyée à l'intérieur du Rift S en mode filaire sur le PC, il y a quand même un logiciel en amont qui va, parce que c'est bien joli, mais si on envoie vraiment dans le Quest de la 4K avec une 1080 Ti, de la 4K native, hein, je parle, non compressée, ça veut dire qu'on ne va pas dépasser les 30 FPS. Donc et de toute façon on ne pourra pas parce qu'on sera bridé par l'Oculus Link qui ne dépasse pas 5 gigabits seconde. Donc on ne pourra pas dépasser de la 4K 30 fps. Donc de toute façon au niveau logiciel, il y a un logiciel qui va récupérer le jeu même s'il est en 4K sur le PC et qui va le réduire pour l'upscaler à l'intérieur du casque. Donc il y a un petit peu d'argument marketing en disant j'ai une définition de malade, mais si derrière il n'y a pas une machine de malade, voilà. Bah c'est ça. Du coup, on va réduire un peu la qualité. Et il y a un autre point qui est important par rapport à un Rift S, c'est qu'étant donné que le Quest 2, c'est un casque autonome, il a la batterie, il a l'écran, mais il a aussi tout le système comme un téléphone, en fait, qui est installé sur l'avant. Donc, il a tendance à avoir du poids sur l'avant. Ouais, mais ça, c'était la première version. La deuxième, tu ne l'as pas essayé. Et il y a quand même une sangle supplémentaire qui s'inspire aussi de ce qui se fait maintenant. Là, pour l'instant, en termes de fixation. Pour l'instant, on en est à la version à 349 €. Donc, un casque autonome qui a quand même plus d'éléments à l'intérieur par rapport à un Rift S qui n'a pas besoin d'un système, qui n'a besoin que d'un écran, qui n'a pas de batterie surtout. Et ce qui va peser, c'est la batterie. Mm-hmm. Donc, la version 349 €, elle a un élastique. Les gens qui sont habitués à une fixation PSVR ou une fixation à molette comme il y a sur différents casques PCVR, en passant à l'élastique, ils vont peut-être avoir une petite déception en se disant bah merde, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. Surtout que finalement, la sangle Elite, elle n'est pas très chère, elle coûte 49 €. Donc, moi, déjà, je ne conseillerais pas, un petit peu, c'est ETR qu'on avait parlé, je ne conseillerais déjà pas la sangle d'office. D'office, moi, je rajouterais 49 € au prix du casque, ce qui nous montre le casque à 398 €. Ça, c'est déjà une bonne base. Là, par contre, on a une fixation qui est un peu comparable à ce qu'on avait sur le PSVR. Et là, on a un certain confort. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, le Rift S... c'est pas les mêmes casques, c'est sûr que le Quest 2 par exemple, si vous avez envie de vous mater une vidéo YouTube le soir dans votre lit, vous mettez votre Quest, vous êtes en vacances, vous mettez votre Quest, vous pourrez regarder votre vidéo en VR. Le Quest 2 c'est plus on va dire les anciens haut de gamme, parce que cette gamme-là, elle est un peu abandonnée aujourd'hui, mais c'était plus des casques qui étaient destinés à balancer plus du Alix qu'une partie autonome, quoi. Mais que les auditeurs comprennent bien, on dénigre pas du tout Quest 2. On a même, voilà, il y a Cyril de l'équipe qui vient de recevoir le sien, qui pourra tester justement et faire une vidéo de présentation dans quelques semaines sur le Quest 2. Et puis donner vraiment son ressenti de joueur. On dénigre pas. C'est juste que faut faire attention aux petits raccourcis faciles, quoi. Sur le Quest 2. C'est un très très bon casque, mais il faut faire attention. C'est pas. On n'a pas envie que les gens soient déçus, quoi, parce qu'ils ont été impatients. Même si le futur de la VR sur PS5 est pas clair, on peut pas le conseiller. Et puis on précise surtout depuis plusieurs articles qu'on ne conseille ni de prendre un Quest 2 en ce moment, ni d'acheter une PS5, parce que niveau VR, on ne sait pas où on va. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans la position gardez vos sous, attendez un petit peu que ça se décante, et après vous ferez votre choix quand vous aurez tous les produits sous les yeux, quoi. On est en pleine période de transition, on change de génération au niveau des consoles, et on sait très bien que de toute façon les consoles c'est un petit peu elles, même au niveau du PC, c'est les consoles qui mettent la virgule entre deux générations, que ce soit au niveau des jeux ou des périphériques, et là on est complètement dans cette virgule là. C'est ça. Et avant un an, ça sera pas clair. Et d'ailleurs, au niveau des PC, c'est le même conseil. Parce qu'aujourd'hui, acheter un PC avec une 2080 Ti à 1 800 € sur Cdiscount, par exemple, il vaut mieux attendre 6 mois à l'arrivée des nouvelles cartes, parce qu'elles vont baisser toutes ces cartes. Les mémoires NVMe, les dernières 980 Pro de Samsung, elles vont baisser toutes ces cartes. Je suis sûr que dans 6 mois, on les aura à 150 balles, alors que là, elles sont presque à 300 balles. Donc, même la personne qui veut s'acheter un PC, vraiment toutes ces nouvelles cartes, les nouvelles Nvidia, les nouvelles vont arriver sur le marché. Il faut penser aussi qu'avec ces cartes, il va falloir avoir les interfaces qui vont avec, les cartes mères, les machins, tout ce qu'il faut pour optimiser tout ça et que ça fonctionne bien. Quelqu'un qui a 1 800 € aujourd'hui, je lui dirais clairement d'attendre un petit peu, parce que les nouveaux PC nouvelle génération vont arriver. Ceux-là par contre seront certainement mieux que la PS5. Et c'est pour ça. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de transition, et pour l'instant, il vaut mieux garder ses sous et regarder ce qui arrive, quoi. C'est ça. Bien résumé. Donc après, par contre, ce Quest, donc on a tout à l'heure parlé de 64 Go d'origine avec l'élastique, donc il est à 349 €. Alors j'ai pas compris, par contre j'ai cherché, mais ils l'avaient annoncé à 299 $, il me semble, quand ils ont annoncé le Quest 2. Je sais pas où ils ont trouvé ce prix, parce que sur le site il y est pas. Donc bref, de 349 € en rajoutant la sangle Elite, qui rajoute quand même un certain confort, on passe à 398 €. Et après, à savoir quand même que tous les jeux ne dépasseront pas 5 Go. Ce qui va faire qu'il y a certains jeux forcément qui ne marcheront pas sur le Quest, parce que si on jouera pas à un Alix, on jouera pas. Je disais Resident Evil 7, il sortira certainement pas, à moins qu'il y ait un accord. Je sais pas ce qui va se passer. Serait temps. Parce qu'il est attendu sur PC depuis je sais pas combien de temps. Mais disons que c'est pas les gens qui ont critiqué le PSVR pour ses expériences. Il faut pas qu'ils s'attendent à avoir des jeux de 150 heures sur un Quest 2 autonome. Si pour ça, il va leur falloir le PC qui va avec. Et c'est là où on peut poser le conseil au niveau des 64 Go ou des 256 Go. Sachant qu'un jeu va faire environ 5 Go pour les plus gros, et ben 64 Go, vous pourrez avoir déjà pas mal de jeux dans le Quest. Après, ce sera juste du stockage, 256 Go, vous mettrez plus de jeux. C'est pas ça qui. À mon avis, ça n'arrivera jamais à un jeu qui pèsera comme Red Dead Redemption 100 Go sur un Quest 2, c'est pas possible. Parce que justement, ils savent qu'ils sont limités à 64, donc il y aura peut-être des gros jeux qui sortiront peut-être à 7-8 Go, mais ça sera bien le maximum. Donc ça, faut le savoir quand on achète. Si on passe le Quest à 256 Go, la note elle monte tout de suite à 498 €. Et pour l'autonomie, on a dit que ça ne tenait qu'à environ 2 heures en Wi-Fi dessus. Donc si on veut avoir la sangle Elite avec la batterie additionnelle qui est à l'arrière, alors ça par contre je dirais que c'est pas plus mal, parce que finalement ça rajoute du poids à l'arrière du crâne. Et du coup ça équilibre un petit peu le poids du casque. Je sais que Cyril, quand il avait eu son Quest, ça l'avait choqué, le casque avait toujours tendance à tomber. Parce qu'il était lourd par sa batterie. Bon, le Quest 2 fait 100 grammes de moins, mais le fait d'avoir une batterie à l'arrière, et j'en avais déjà parlé dans le dernier podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Vive Pro et les premiers HTC Vive proposaient des poids en plomb qu'on mettait à l'arrière de la tête pour équilibrer le truc. Et bah là, c'est pareil, ça va un petit peu équilibrer le truc. À mon avis, ça ne doit pas être mal. Mais par contre, on se retrouve là, cette fois, avec un casque à 588 €, avec la Sangle Elite Quest 2, avec la batterie et l'étui de transport à 139 € et les 256 Go. Donc, on a déjà... Mais c'est pas cher, ça, Maryse. Là, on a le haut de gamme du Quest 2, c'est-à-dire on a toute option. Et à ça, il faudra rajouter l'Oculus Link, qui n'est rien d'autre qu'un câble USB-C, qui coûte 99 balles sur le store. Alors ça, je crois qu'ils ont vu, la Vierge, ils sont touchés, là. mais ça a marché, non ? Ça a marché. Mais globalement, vous allez sur Amazon, votre câble, vous allez payer 20 balles, ou même 15 balles, et puis c'est réglé. C'est là où on en vient aussi à ce câble Oculus Link. C'est donc un USB-C. C'est un USB-C 3.1 et il est à 5 gigabits seconde. C'est là où on voit aussi qu'il peut y avoir des limites, parce que s'il s'amuse à balancer de la 4K à 60 fps ou même à 72 fps, voire même 90 fps, on va se retrouver avec le syndrome du PSVR, où on avait Corix qui était à 120 fps, mais au final c'était du low polygone avec il n'y avait rien en graphisme. Moi, c'est une crainte un petit peu que j'ai sur le Quest 2. Décidément, je crains beaucoup de choses en ce moment. Il y a un jeu qui était sorti en plat qui m'avait bien intéressé, c'était Blair Witch. Oui. Il y avait un jeu Blair Witch, c'était un jeu d'aventure, horreur et tout. Et là, ils ont annoncé la version VR, exclue Quest 2, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont montré des vidéos de cette version-là. Le jeu est plutôt joli en plein. Hein. Ouais. Il est détaillé, les effets de lumière sont cool. Enfin voilà, il y a une vraie profondeur de champ intéressante. La vidéo sur le Quest 2, elle fait vraiment peur. Tu vois vraiment que c'est un jeu qui a été ultra bridé. Tu vois les arbres dans la forêt qui pop à 10 mètres devant toi. T'as plus d'effets de lumière. Le chien, il a perdu, je pense, 75% de ses polygones. En même temps que tout le décor, j'ai peur que... Enfin, je ne connais pas du tout encore la politique de développement d'édition, on va dire, d'Oculus et de Facebook, mais j'espère qu'ils vont quand même prévoir une version Oculus normale, PC. Oui, haut de gamme. Parce que ce type d'exclusivité... Bah, ouais, gamme normale, quoi. Disons que toi ça te saute à la version mobile. Plus, hein. Non, parce que tu as une 1080 Ti. Bah, oui, ça te saute vraiment à la gueule quand tu regardes la vidéo. Et j'espère voilà, qu'ils vont pas juste, pour pouvoir faire des exclusivités et pouvoir vendre des Quest 2 à l'appel, baisser le curseur de la qualité graphique des jeux VR de façon globale, juste pour que ça puisse tourner sur un Quest 2. Tu vois, je trouverais ça vraiment dommage. Ouais. Surtout quand on voit les jeux qui sont sur PC en ce moment et qui t'éclatent la rétine en VR. C'est pas pour faire 4 pas en arrière juste pour avoir une exclusivité Quest 2. J'espère franchement qu'il y aura une version normale de ce truc là et que les gens puissent choisir justement soit de le prendre sur leur Quest 2 et puis d'avoir une version voilà un peu plus moche, hein, de toute façon, parce que là il n'y a pas d'autre mot, regardez franchement la vidéo, et une version normale, quoi, à côté. Non, c'est pas top. Non, c'est pas top, tu vois, ça me ferait chier, par exemple, le prochain Medal of Honor qui est prévu aussi sur Steam et Oculus, qu'il l'ait annoncé uniquement exclu Quest 2 en graphisme moche, quoi. Ça aurait été vraiment dommage. Donc, c'est le seul truc que je crains, en fait, qu'il y ait une politique d'édition un petit peu qui... Ben, il y aura toujours cette double curseur, politique, quoi, de la version mobile et la version PC. J'espère que... Mais s'il y a les deux, il faut qu'il la garde. Que les gros jeux... alors sur un Beat Saber, c'est pas trop grave, mais sur un gros jeu, c'est clair qu'ils ont intérêt à le développer sur PC, quoi, avant. Ça fait mal, hein. Clairement. Après c'est pareil, moi. Il faut toujours penser à la machine qui va derrière, parce que le Quest 2, qu'en autonome, c'est vraiment une utilisation qu'en autonome. Alors, c'est sûr que le type qui ne fait que du Beat Saber à la maison, c'est top. Là, le Quest, il va s'éclater. Ah oui. C'est génial. Par contre, celui qui est un peu plus exigeant et qui veut du Alix, qui veut des jeux, bah, il faut prévoir le PC derrière. Un Quest 2, par exemple, si, en admettant, ce qui n'arrivera jamais, hein, mais admettons qu'un jour, Sony décide d'ouvrir sa PS5 au Quest 2, on a une PS5 qui a quand même 10,3 teraflops et qui est quand même sacrément bien foutue et plutôt puissante. Si on a une machine puissante derrière, un Quest 2, je le conseille. Mais je le conseillerais pas avec la Sangle, ça c'est sûr. Et avec des vraies piles. Avec des piles rechargeables, je veux dire, pas avec des piles. mais en fait, l'acheteur, il faut bien qu'il sache dès le départ qu'est-ce que je vais faire avec. Voilà, ça c'est important. Le gros conseil qu'on peut donner concrètement, hein, c'est testez-le. Ouais. Franchement, testez-le et partez pas sur voilà et partez pas avec des étoiles plein les yeux en disant ça y est le PSVR c'est le passé, je passe au futur, je m'en prends plein la gueule. Ça me fait doucement rigoler quand on voit sur YouTube des types qui s'amusent à comparer le PSVR à un Quest 2. On a 4 ans d'écart de technologie. Ben oui, mais il n'y a rien à côté. Oui, mais c'est comme si tu mettais une Wii à côté d'une One X. C'est complètement débile. Tu vois ce que je veux dire, ils sont obligés d'une part parce qu'il y a plus ou moins le même catalogue. Hein, je te rappelle qu'on récupère pas mal de jeux Quest sur PSVR. Oui, mais donc ils sont quand même obligés de le comparer. Mais surtout, il n'y a rien d'autre en face. Justement, au final, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on récupère pas mal de jeux Quest. Ce qui veut dire que sur une machine de 4 ans, on est capable de jouer à des trucs d'un truc actuel. Donc maintenant, le Quest, pour les gens qui sont un peu plus exigeants en VR et qui veulent passer le cap, ou qui ne connaissent pas encore la VR, qui vont commencer comme ça, qui vont vouloir passer le cap, ils vont forcément derrière être amenés à soit prendre un PC, soit revendre le Quest pour prendre après une console et un nouveau casque. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux attendre un petit peu de savoir ce qui se trame. Franchement, dans les 6 mois, à mon avis, on saura s'il y aura un casque VR d'ici. Oui, c'est dans le cadre où ils décident de communiquer là-dessus voilà. aussi. Hein. Ce qui, ça se trouve, dans 6 mois, un an, oui, mais si dans un an, t'es optimiste, toi. Sony a rien dit sur la VR, mais rien annoncé. Je pense qu'on disait déjà ça l'année dernière. Oui, mais je veux dire que dans ce cas-là, dans un an, il faudrait peut-être penser à partir ailleurs, quoi. Clairement. C'est ça. Si dans un an il y a rien d'annoncé en casque VR chez Sony. Moi, je ne vais pas attendre 4 ans qu'ils sortent un casque, hein, ça c'est clair. Avant qu'ils sortent un casque, déjà, il faudrait qu'il y ait... Mais bon, ça n'a pas l'air prévu, puisqu'ils veulent vraisemblablement enfermer le PSVR avec la PS4, puisqu'ils le qualifient de rétrocompatible. Oui, c'est... Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a compris que très récemment, officiellement. Mais s'il y a des jeux compatibles PSVR qui sortent et qui profitent de la PlayStation 5, bah, même s'il n'y a pas de casque, ça donne quand même un indice de ce qui va se passer à vrai. Ça va quand même continuer quelque part. S'ils nous balancent, mettons, aller en juin prochain pour l'E3, qui sera certainement annulé, s'ils nous balancent un nouveau PSVR 2, il arrive, il sortira en novembre. Il n'y a qu'un an à attendre, et pendant cette année-là, on peut jouer à Hitman, on peut jouer peut-être à plusieurs jeux qui vont arriver sur PS5. Même si on sait que le PSVR il est dépassé, c'est un casque qui est dépassé, on dira jamais le contraire, le joueur il va se dire « Bon, j'ai un an pour mettre de côté pour mon PSVR 2, et puis, je vais jouer aux quelques jeux qui vont sortir sur PS5, mais au moins j'ai de quoi attendre ». J'attends pour la PS5, j'attends pour le casque. C'est sûr que si dans un an il n'y a rien, là je vais commencer à sérieusement poser des questions pour un Quest 2 ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Après, il y avait un gars chez Pixel Reef, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était un programmeur qui nous avait dit justement que le casque PSVR sur un dev kit de PS15, ça envoyait quand même sacrément du bois. Hein. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, ça, d'ailleurs. Disons que les développeurs, donc c'était les développeurs de Paper Beast avec qui on avait pu discuter. Et, donc on a oui, le droit. Okay. Oui. Disons-y. En même temps, on peut tout faire. on s'en fout. Hein. Tout est possible. Ils n'avaient pas dit que le PSVR, c'était... Ils avaient dit, y a beaucoup de gens qui le considèrent un peu le PSVR comme un casque bas de gamme. Parce qu'il a 4 ans, mais par rapport à sa date de sortie, quand il est sorti, il était largement en avance sur les autres. C'était le seul qui proposait du 120 Hz, ce qu'il n'y avait pas ni sur HTC Vive, ni sur Oculus Rift, le premier du nom. Niveau résolution, les deux étaient un petit peu au-dessus, mais le gap, il était ridicule. Et il y avait même moins d'effets... Oui, mais le traitement logiciel faisait... Il y avait moins d'effets de grille sur le PSVR que sur les autres. Son plus gros point faible, c'était le tracking. Voilà, mais ça l'est toujours, d'ailleurs. Ouais. Et en plus, on avait un écran OLED, qui pour l'époque, aucun casque n'avait d'écran OLED. Le seul qui est arrivé derrière, je crois que c'est le Cosmos en OLED, et le Quest. Et en plus, on avait justement cet alignement des sous-pixels en RVB, ce qui veut dire que chaque sous-pixel est un vrai sous-pixel, ce qui n'est pas le cas sur un Pentil, parce que tu as un tiers de sous-pixel en moins, malgré une définition qui est... Arrête Laurent, on ne part pas dans le pixel. Donc c'était pour l'époque, c'était vraiment, il était en avance sur son temps. Et je pense que le PSVR 2 qui arrivera, s'il arrive, ils vont mettre le paquet pour avoir un truc qui tienne au moins la route, une 5 ans, au moins 5 ans. Donc c'est possible que quand ils sortent, ils soient vraiment aussi en avance et qu'on puisse avoir aussi, parce que Sony, c'est aussi, c'est pas un fabricant de matériel PC, mettons HP, ils vendent beaucoup moins de matériel que Sony par rapport à, donc forcément ils payent ses composants beaucoup plus cher, et du coup Sony, s'ils mettent sur la table un truc, ils vont acheter le machin et ils vont arriver à avoir des tarots de malade, et je serais pas étonné que derrière ils nous amènent pas de light tracking pour un truc à 500 balles. T'emballes pas. Non, ça se trouve, il n'y en aura pas. Mais je veux dire, à chaque fois, on a vu, déjà, quand on voit ce qu'ils ont fait avec la PS5, à chaque fois, on dit, non, ils n'ont pas fait ça, ça coûterait trop cher. Bah si, ils ont mis du métal liquide. Ah ouais, bah putain, ils l'ont fait. La taille du heatsink, tu dis, c'est pas possible, ça coûterait une blinde. Pourquoi ils n'ont pas mis une chambre à vapeur? Ça serait moins cher. Bah non, ils ont mis le... Et au final, ils arrivent à une machine à 499 balles, avec les composants qu'il y a, mais sur un PC, ça coûterait une blinde. Mais vraiment une blinde. Je serais pas, ils ont les moyens de négocier les tarifs et ils prennent aussi le temps d'attendre que les composants baissent pour proposer quelque chose de meilleur dans quelques temps. C'est pour ça que moi je vais attendre encore un an patiemment avec mon petit PSVR et puis c'est sûr que dans un an et ben on en reparlera s'il y a rien certainement que oui, non, mais certainement que moi, je suis la concurrence avec toi, hein. Certainement proposera aussi, parce que le Quest 2 il va pas rester seul sur le marché, hein. HTC ils vont y aller, ils vont tous y aller, hein. Valve ils vont en faire un, on espère. Oh, oui. Valve ils vont en faire un, ils vont pas laisser le Quest tout seul, ils vont tous y aller dans l'autonome comme ça. Et ce que je trouve génial sur ce principe de Quest, c'est pour ça qu'il fait envie aussi ce Quest, c'est que le fait qu'il soit en autonome avec une puissance de PS4, en niveau rétrocompatibilité, on pourrait jouer à tous nos jeux PS4 en autonome, donc n'importe où en vacances, on peut se faire nos petits jeux tranquilles. Et en plus, ça rappelle beaucoup la PS Vita où on pouvait rajouter des cartes supplémentaires de 128 gigas. Et du coup, tu pourrais mettre ton Resident Evil dans ton Quest-like autonome PSVR 2. Et puis dès que tu le branches sur la PS5, là, bah, là tu te tapes du Alix ou des jeux de prochaine génération. Ça sera, oui, la règle. Ça serait clairement sur... Enfin, effectivement, ça serait le mieux, ce sur quoi ils pourraient s'orienter. Ah, ce serait le top. Tous les brevets tendent sur ça. Hein. De toute façon, le PSVR 2... Il faut savoir raison garder. Ouais, mais balancer aujourd'hui un casque filaire, ou alors ils le vendent 200 balles. Mais il sera obligé de faire les deux. Il sera obligé de faire les deux. Ou alors une version light. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faudrait qu'ils proposent une version low cost. Et je trouve dommage, du coup, qu'ils enferment, encore une fois, le PSVR actuel avec la PS4. Mais une version low cost pour toucher un maximum de gens et une version... Bah, la version low cost, ils l'ont, c'est le PSVR. Le PSVR... Mais tu vois, même, je suis quasiment sûr qu'ils peuvent l'améliorer à moindre frais. Ah, ils mettent, oui, juste une dalle, oui, 2K. Ouais. Ils améliorent l'écran. Et le truc, il reprend 4 ans, quoi. Bah, facile. Tu le laisses à 199€ avec le pack et la caméra et tout, puisque maintenant la caméra est vendue avec. Non, le tracking du PSVR, c'est juste plus non, possible. Les PS Move, vraiment plus possible. Mais pour des gens qui ont des petits moyens, ouais, mais d'accord. Mais pour des gens avec qui tu veux faire rentrer, ouais, dans la VR, tu vas profiter de la puissance de la PS5 s'ils veulent l'acheter. Le casque, il est à 200 balles aujourd'hui avec 5 jeux et la caméra. Bon, t'as que les PS Move que t'as non, pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, on est quand même sur une gamme différente, là où le casque coûtait 400 balles à sa sortie, sans rien, sans caméra, sans Move, sans jeu. Y a quand même un gros pas en avant qui est fait. Tu mets une dalle qui est l'équivalent de ce qui se retrouve sur le marché actuel, ça te le modernise d'une manière pas chère, je dirais, et le truc, il est reparti, bah, franchement. Et ensuite, tu fais ton autonome haut de gamme, surtout que avec une dalle 4K et tout ce qui va bien. Surtout que des jeux en 120 Hz, il y en a eu deux sur tout le catalogue. Donc, ils ont qu'à, oui, balancer des jeux à 60-70 Hz, et puis ils augmentent la taille de l'écran, quoi. Et puis... Non, puis même la PS4 Pro, elle pourrait le gérer, ça. Ah bah oui, oui. Alors après, c'est sûr que tu as un casque, c'est toujours le même souci, hein. Tu as un casque qui a une meilleure résolution, Après, c'est du upscaling d'image comme ce qui se passe dans un Quest. Hein. On s'en fout. En mouvement, ça gêne ça, c'est pas. Pareil, la 4K native, l'upscaling, franchement, est-ce que ça a une grosse différence? Mais non, parce que tous les joueurs, regarde tous ceux qui ont testé sur tous les casques, par rapport à un Pimax ou un truc, forcément, le Pimax, t'as un truc de dingue, et puis t'as un champ de vision de malade. Mais déjà, le Quest 2, qui est upscalé, hein, parce que t'as pas de la 4K native qui balance comme ça, la plupart disent qu'il est mieux que le Rift S en image. Donc. Oui, parce qu'il a une résolution qui est meilleure. Oui, il a une meilleure résolution. Et... Ouais, mais c'est important, ça, maintenant, dans l'immersion. Ah, c'est super important. C'est de plus en plus important. C'est super important, pour ça, pas être malade. Tu vois, ça, je pense que... Non, mais je pense que le débat, tu vois, immersion, texture... résolution, texture, je pense que c'est le même débat que ceux qui vont te dire aliasing, anti-aliasing. Oui. T'as des mecs qui préfèrent jouer avec l'anti-aliasing et d'autres qui préfèrent sans. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent avoir un jeu plus net. Et pas d'escalier. Et même s'il est moins lisse, voilà. Alors que t'en as d'autres qui vont te dire non, moi je veux pas d'effet d'escalier. Bon, même si c'est un peu plus flou, je m'en fous. Voilà. C'est le même débat au final. Ouais. Ça va être un peu à chacun de voir qu'est-ce qu'il a envie. Il y a tellement de paramètres. Parce que c'est ça au final. Il y a tellement de choses. C'est ça au final. C'est qu'est-ce que tu attends de la VR ? Est-ce que tu veux vraiment de l'autonome ? Est-ce que t'es prêt à faire des concessions ? Est-ce que tu c'est veux ça. Jouer ouais. Est-ce que voilà de temps en temps sur ton PC Encore une fois, c'est libre, ça sera propre à chacun de faire ses choix en fonction de ses besoins. Ça. Nous, on aime le PSVR et puis voilà, ça nous fait deuil de le voir comme ça et puis de voir surtout les gens, le chien. C'est qu'en ce moment, on tape le. Donc on essaye un peu de le défendre. Sur Twitter. Je pense qu'il faut quand même que voilà, chacun fasse ce qu'il a envie de faire au final et s'il a envie faire d'y des aller, raccourcis. Bah, qu'il y aille, mais bon, peut-être, comme on dit. Sans faire des raccourcis faciles. Les doigts, peut-être pas, parce qu'on n'en sait rien au final. C'est des suppositions, encore une fois. Si Sony voulait bien se sortir les doigts et enfin nous lâcher quelque chose d'officiel, comme on dit, un VRID, un coming soon, une compatibilité Hitman, R8, Resident 8. Un truc intéressant. Des trucs à bouffer. Qui nous permettent de confirmer que ben voilà, ils laissent pas tomber les joueurs PSVR. Ah oui, ben ça serait plus simple pour la prise de décision. Maintenant, ben voilà, c'est pas plus simple. Et plus ça, très certainement. Mais bon, maintenant, c'est pas le cas, c'est comme ça. Mais il faut que voilà, chacun fasse ce qu'il veut. Ce qui est marrant, c'est quand Cyril avait eu son Quest 1, malgré que finalement, par rapport à la PS4 Pro, c'est vrai que sur des jeux comme Moss, c'était moins poussé graphiquement, mais plus joli. Et ce qu'il avait retenu, lui, les points positifs, c'est que tu as quand même une totale liberté. Ça, on ne peut pas l'enlever au Quest. Le fait de ne pas avoir de fil, tu peux bouger dans tous les sens, c'est tous les jeux de sport. Mais la safe zone, elle est énorme aussi. Le système de safe zone, il est formidable aussi. Hein. Et très bien foutu, le mode gardien. Mais là, c'est une nouvelle version. Et pour quelqu'un qui veut faire, qui est passionné de ping-pong ou qui est passionné de sport ou de je ne sais quoi, qui a prévu que faire ce genre de choses. Eh ben, il fait du le sport. Le Quest 2, il est parfait pour eux. C'est ça, il fait du ping-pong, quoi. Il est parfait pour eux. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent une table de ping-pong. Ça reste quand même moins cher qu'un Quest. Mais, c'est, même avec les raquettes et les balles. Ceux qui sont en appartement l'été, eh ben, ils sont sur la plage avec un Quest. Voilà. Là, il peut pas jouer, non plus. Mais c'est un très bon casque. Il faut juste qu'il soit bien aiguillé. Il faut juste que les personnes qui veulent l'acheter n'y aillent pas comme un bourrin en disant j'en ai ras le bol. Là, en ce moment, ce que je voulais dire, c'est que sur Twitter, en ce moment, si on tape le hashtag PSVR, il y a presque plus d'articles du Quest 2 que du PSVR. Donc, on a l'impression que du coup. Ah oui, mais c'est normal, il n'y a pas de news dessus. C'est ça, mais on a surtout l'impression qu'il y a une espèce de public joueur VR qui sont en train de chier sur le PSVR alors qu'ils en ont eu un et qui sont en train de dire « Oh les gars, barrez-vous de votre merde et venez jouer sur Quest 2 ». Et là, on dit méfiance. Et là, c'est clair que si ces gens-là, dans quelques temps, la PS5, elle est VR compatible et qu'ils sortent un PSVR 2 qui a les mêmes caractéristiques qu'un Quest 2, on aura attendu 6 mois et on se dira, on a bien fait. Quoi. Ou on aura attendu un an, hein, parce c'est que, ça. À mon avis, ça ne sortira pas avant novembre 2021, ça, si ça doit sortir. Donc du coup, patience, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller. Évitez les raccourcis, évitez les décisions un petit peu trop hâtives. Voilà, ça reste quand même un sacré budget. Après... On peut que vous conseiller le Quest 2 si vous avez un monstre de puissance au niveau du PC à côté. Sinon d'être un petit peu patient comme nous et puis voir ce que Sony va annoncer. Pour le moment en tout cas, voilà, Cyril va pouvoir faire le test du sien dans quelques semaines, comme on vous le disait. D'ici là, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce qu'on savait en tout cas sur le Quest 2 et en tout cas sur ce qu'on en pensait. Je pense qu'on était assez exhaustif. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Non, des pixels. C'est admettons maintenant. Donc c'est vraiment de la... Admettons maintenant que Facebook nous balance un PC de salon à 500 balles pour brancher un Quest 2. Et là. Ah, il y a deux trucs qu'on a là, pas dit. Et là, il y aurait peut-être, des questions à se poser. Voilà, et on a éventuellement émis l'idée d'une compatibilité Quest PS5. Voilà, aussi. Ça serait bien. Dans nos rêves les plus fous, ça résoudra jamais. Pas venant de Sony, c'est pas possible. Avec. Si ça arrivait, ça me déplairait pas. Par contre, c'est clair. D'avoir le choix de plusieurs casques sur une console, ça serait génial. C'était un article du 1er avril que j'avais fait il y a deux ans, ça, à peu près. Ouais, c'est ça, deux ou trois ans. Ouais. Allez, bah il n'y a plus qu'un maintenant. C'est bon. Ça. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, du coup. Merci de nous avoir écoutés. Merci, monsieur, d'avoir divagué pour ce magnifique anniversaire hommage aux 2 ans du podcast et aux 4 ans du PSVR. Bah, si je peux en rajouter un, ça fait 1 an que je suis chez War4Player aussi. Oh putain, 3 anniversaires en un et on n'a rien foutu pour l'occasion. Bel esprit, les gars. Bel esprit. Manque de respect pour les auditeurs qui est assez dégueulasse, quoi. Franchement, désolé. voilà, donc vous pouvez nous retrouver depuis 2 ans sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer et sur Internet en règle générale. Vous pouvez retrouver notre chaîne sur YouTube, verplayer.fr. Vous pouvez retrouver le site également, avec plein d'articles, plein de dossiers, plein de choses super, et des tests, et de la bonne humeur. Et vous pouvez venir aussi deviser avec nous sur le forum du site. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez mettre des pouces en l'air, vous pouvez mettre des pouces en bas, vous pouvez nous insulter, mais gentiment. Et puis on aime bien. Voilà. Non, on déconne, arrêtez. Encore un pouce bas, s'il te plaît. Ou tout simplement venir partager avec nous, voilà, la passion de la VR, du PSVR, et puis de tout ce qui se passe un petit peu autour, parce que voilà, ça nous tient à cœur, et puis on aime ça. Et on vous dit à dans 2 semaines, toujours autour d'un VR, et bisous. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Et puis voilà. On coupe pas. Pourquoi tu coupes pas? Je sais pas, il y a toujours. il faut faire. Pourquoi toi, tu faut faire la blague. La blague de fin. Non, mais il n'y a pas de blague. C'est pas la blague de fin. Mais je sais pas, moi, à chaque fois, on me dit ah, laisse et tout. Moi, je coupe, je m'en fous. Moi, ah, j'arrête. Ah, vous m'avez saoulé, j'arrête. Ouais, bah si ouais, c'est comme ça, j'arrête aussi. Salut les tocards. Ah putain. Bon, on coupe du coup, c'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Ah merde.